Bonjour, bonsoir, bienvenue à Radio Stoub, la seule émission moins de 23 heures. Tout à fait. Grosse tablée, grosse expertise, grosse période du Racing. On va parler de toutes ces grosses choses, c'est le thème de la soirée. Il se lève pour prendre la parole, c'est Roulian. Enfin, je me lève surtout pour prendre les rillettes. Hein. Mais bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, on va le faire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Hathor est là aussi. Oui, bonjour, bonsoir. Merci de ta présence. C'est difficile de te voir autour de tout ce qui touche le Racing en ce moment. Bon, bah je ne vais plus au match, donc oui. On en parle après. Il faut faire des petits trucs là comme l'équipe. Le troisième va vous étonner. Le troisième va vous étonner, c'est Strotim. Ouais, c'est moi. J'ai fait mes meilleurs pitchs sur ChatGPT. Bonsoir. Bonsoir. Kittel aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Et Calcio 90. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà. Et JB Larky n'est pas là pour m'introduire, alors je me présente. C'est Gigus, en direct du studio Gigus. Pas le temps de faire des conneries à la JB Larky. Pas le temps de niaiser. On a un programme assez intense. Comme la fin de saison du Racing, peut-être pas. On en parlera aussi ce soir. Boum boum. Annonce. Les matchs. On s'est quitté après Nantes. On s'attendait à un magnifique week-end de Pâques avec le retour du petit cousin qui était parti en claquant la porte la dernière fois, ouais. Julien Stéphan. Ces retrouvailles ont été réussies. Je donne le score tout de suite, hein, on ne fait pas semblant. 2-0. Mmh. Surprise totale, je pense que. Alors, je ne sais pas si on a fait les pronostics, mais je pense que personne ne l'aurait trouvé. Non. Bah, surtout qu'il y avait pas mal d'absents aussi avant le match. Enfin, il manquait un peu d'expérience, il manquait Sissoko. Il manquait Emega. Merde. Il manquait Emega. Non, il a sorti, il a été remplacé par. Ah, merde. Oui, il a joué. Il a très vite fait oublier l'absence d'Emega. Oh là là, ouais. Non, mais je m'en sors. Il manquait Motiba, peut-être. Peut-être l'attaquant numéro 1. Notre mascotte. Il manquait Persic aussi. Ah, Persic était encore sous contrat. Là. Il avait pas encore annoncé sa rupture conventionnelle. Rupture. Et du coup, là, enfin. Le principal enseignement de ce match, c'est que Stéphane continue ses non-victoires à la Méno. Série en cours, hein, puis ça fait un moment qu'il a pu gagner à la Méno. J'ai pas regardé s'il y avait une poignée de main entre Mathieu Luscornet et Julien Stéphane, ça, la presse n'en a pas parlé. Peut-être une binge tout après. Si je dois miser, je dirais peu probable. Oui, ouais, Bah, y a eu une poignée de main après avoir entre Julien Stéphane et Marc Keller pour sceller l'accord financier qui règle tous les problèmes. Oui. Je pense que c'est déjà signé. Mais c'était signé à peu près avant. On n'a pas vu l'avocat de Julien Stéphan se féliciter sur les réseaux sociaux de magnifique accord conclu par son client. Voilà. Est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Je ne me rappelle plus trop. C'était. Ah oui, si. On a parlé à la conférence d'avant le match. Le cortège anti-Marc Blouko. Oui. On n'a pas parlé. Mais... alors nous, on n'a pas peur de le dire que c'était un four. Hein. Bah, il y a 500 personnes. C'est ça. Ouais. 400 selon la police. 100 selon l'équipe. Non, 200 selon les 200 DNA. Selon les médias, ouais. Donc ils ont divisé par deux le chiffre police. Ouais. Alors qu'objectivement, je pense que les 500, ils y étaient quand même. Hein. Entre 400 et 500, ça me paraît pas déconnant. Ouais. C'était pas... bien compact aussi. Oui, voilà. On était bien serré et aussi mené au pas de course. Ouais, c'est l'échauffement pour le 1500 mètres de Medibala. Où... c'était, ouais, ils avaient peut-être un créneau seulement de 10-15 minutes pour traverser l'avenue de Colmar. En tout cas, on a fini essoufflé. Toujours est-il que, ouais, y a deux raisons. C'est à la fois, à mon avis, le week-end de Pâques, et à la fois aussi, on va dire, la majorité des gens ne s'est pas reconnu pour l'instant dans ce combat-là. Et on préférait sûrement prendre du recul et dire on ne vient pas participer à ce genre de choses-là. Donc, c'est effectivement pas un gros succès populaire. Par contre, on peut rappeler, fait historique, que le boycott du match contre Caen à l'époque, Carrousel, je ne sais plus exactement maintenant la situation. C'était même avant la vente. C'était en 2009. Ouais, on était dernier de Ligue 2, c'était en 2009, vers septembre-octobre. Voilà. Enfin, avec tout ce qui en a suivi, où à l'époque, les premiers encore à tirer la sonnette d'alarme, c'était les ultras, les associations de supporters, en disant ça va être de la merde, il y avait 100 personnes devant le stade, oui. Et encore je suis gentil, et c'était un four complet. Après, là, les événements ont donné raison, alors là, on verra la suite des événements. Ouais. Après, on est, de manière générale, pour élargir un peu, on n'est pas une région de manifestation. Hein, tu... Dès qu'il y a une manifestation, que ce soit pour les retraites, l'Ukraine, Arafat, tout ce que tu veux, tu prends les scores dans des métropoles comparables en France et à Strasbourg, généralement, tu divises par 2, 3, 4 ou 5. Hein, c'est une culture de modération qui fait... Il y avait la manif pour l'Alsace à l'époque. Oui, mais qui avait été payé par les régions, qui avait affecté des TER. C'est la seule manifestation que mon père a fait de sa vie. Il y a un côté légitimiste aussi. Le rappel de Keller ci, Keller ça, sans lui, machin. Bon. Et d'autant plus que le Racing avait gagné le week-end d'avant. Une victoire ultra importante. Mais je pense que le fait que ce soit le week-end de Pâques a beaucoup joué aussi. Ouais. Bon, en tout cas, le match n'était pas si mal. Le match était, enfin, en tout cas, bonne surprise. C'est vrai que Rennes n'était pas une équipe qui nous réussissait spécialement ces derniers temps. Alors, quels sont nos joueurs, franchement ? Bah, c'est nos jeunes, les jeunes formés au Racing qui ont marqué. C'est Naya. Oui, le but de la grue. Les deux buts de la grue, tout à fait. Et en 1 minute 30, quelque chose comme ça. Parce que c'est ça. 71e et 73e. Une équipe de Rennes qui était à l'époque dans une mauvaise passe. Finalement, il y a eu assez peu de cas... comme ça, où le Racing a battu des équipes qui étaient devant lui au classement. Il y a eu Lille à la maison et Rennes, c'est à peu près tout. Moi, j'ai vu que la deuxième mi-temps, je crois. parce que j'étais pas là pour le week-end de Pâques. Et j'ai l'impression d'avoir Racing, tout à fait. Qui, une nouvelle fois, dominait physiquement son adversaire. Quoi. Ce qu'on avait déjà dit sur certains matchs, en fait, c'est un peu... Il y a eu des sinusoïdes là-dessus, mais quand ça marche... Rennes avait l'air de marquer un peu le pas. Quoi. Bah, Rennes n'était pas forcément en très très grande forme à ce moment-là, mais 2-3 matchs avant, ils étaient vraiment sur une remontée un peu fantastique. Ils avaient la coupe aussi. Ils avaient la coupe après à Lyon. C'est toujours difficile à négocier. Ouais. Mais autrement, ils avaient été suspendus aussi, mais bon, ça n'enlève pas le mérite de Strasbourg qui, comme disait Strotim, on avait une capacité cette saison, c'est sans doute un des rares trucs à retenir. De rester dans le match très longtemps, même en étant dominé, et physiquement de l'emporter à la fin sur l'adversaire. Donc la préparation physique a été très bien. Et c'est un peu le côté positif d'avoir une équipe jeune, c'est qu'ils ont la santé. Et les qualités physiques, on les voit aussi sur le troisième but avec ce déboulé de... Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Troisième but refusé. Ouais, non, le deuxième. Ouais, le deuxième but. C'est la but de avec la contre-attaque hyper bien menée avec Bakwa, avec Sebas qui, de toute façon, lui, il va 3000 à l'heure. C'est dribble, Bobanda. C'est une vraie qualité forte. Et il a toute la lucidité, oui. Ça, c'est parce que le expected goals devait être très faible vu l'endroit où il était positionné. Il était complètement collé à la ligne. Ouais. Non, mais c'est un beau but en plus. Hein. C'est un très beau but. Son deuxième but en Ligue 1. Mais le Racing, il avait encore bon sa match, coupe balai. Oui, il avait encore les cheveux. Balai à cheveux, je sais pas quoi. Mais un bon match du Racing pour le coup. Oui, un bon week-end de deuxième mi-temps, un bon week-end de Pâques. Le soleil. Avec le soleil et le lundi pour récupérer du match. Et derrière ça, on se dit on va capitaliser. Allez, on va capitaliser. Parfait. Le derby de la saucisse. À Toulouse. Toulouse qui, pareil, se cherche un petit peu aussi. Là, par contre, je pense que tout le monde avait vu venir le 0-0. Ça pue. Ouais. qui arrangeait tout le monde. Hein, c'est exactement ça. Les équipes n'ont pas vraiment fait un effort pour essayer de prendre le score. Non. Moi, je pense que j'avais une raison valable de ne pas regarder ce match. Il y avait la réserve de Racing contre la réserve de Metz. En même temps. À Strasbourg. Ah, mais ouais, c'est ça. Donc j'ai pas vu le match. Moi, je l'ai lu. T'as rien à en dire. 0-0. Ouais. C'est ce que ça valait. J'ai entendu notre confrère de France Bleu Alsace, qui n'était pas Luc Dreyfus, mais il y avait un remplaçant. Et je sais pas, ils ont commencé à faire une digression en fin de mi-temps. Et en fait, ils sont carrément débordés sur le début de deuxième mi-temps. Ils parlaient d'autre chose, quoi. Voilà, ils parlaient de la difficulté des jeunes à. Voilà, les parents qui mettent beaucoup d'espoir sur des jeunes en disant voilà, tu vas percer. Parce que moi, je veux palper, etc. Bon, on peut saluer Luc Dreyfus qui est absent ce moment pour une très bonne raison. Congé de paternité. Exactement. Donc, ouais, ça donnait le. Un futur joueur du Racing dans quelques années. Arbuco est déjà dessus. Hein. On enchaîne avec Toulouse. Mais Toulouse, c'est au match d'avant que le Racing est passé à 5 derrière. Parce qu'il y avait quand même ce changement de système. À Nantes, on avait joué à 5 derrière. Toulouse, le seul fait notable, je pense que c'est deux matchs consécutifs où on fait des clean sheets. On se dit que défensivement ça tient, ça marche mieux. Avec un très bon Saïdoussou. Un excellent Saïdoussou, ouais. Très sûr dans la relance. Comme Ali. Un mec qui bizarrement n'avait pas joué toute la première partie de saison. Genre, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Il n'avait coûté que 3 millions d'euros. Non, mais c'était vraiment le mec, on se disait, il n'y a même pas ça. Enfin, genre, il était inexistant, même pas rentré derrière. Alors, il était quand même genre capitaine de sa section, je crois. En Guinée, ouais. Enfin, il était. Il a fait de bons trucs à Saint-Etienne aussi. Donc, oui. Mais Ong, Donc voilà, 0-0, un point. Bon, c'était l'essentiel était de ne pas perdre, hein, parce que Toulouse, je crois, avait le même nombre de points que nous. Tout à fait. Donc, et eux se sont dit exactement la même chose. 0-0, on s'est quitté, bons amis. D'ailleurs, Vieira et le coach Toulousain, en fin de match, se sont amicalement. Ah oui, parce que Vieira, il n'a que des potes, hein, voilà. Dans la France. Hein. Est-ce qu'il a eu quick aussi avec l'entraîneur? Sûrement. Match sans intérêt. Match sans intérêt, et alors match beaucoup plus intéressant, RCS Reims. Première fois de la saison qu'on met 3 buts au stade de la Mine. Deuxième fois qu'on remonte à un score défavorable. Et Reims, je crois que ça fait un moment qu'on les avait pas battus, hein, quand même. Quelques semaines. Là-bas, on les a battus l'an dernier, mais, ouais, mais à domicile, ouais, c'est... Mais nous, ça doit dater du match après la victoire en Coupe de la Ligue. Ouais, quand on a fait 4 ou 5-0, là. Enfin, je crois que l'année d'après. C'est la dernière en place. Avec le doublé de Gonzalez. Non, l'année d'après, on les rebat avec un but de Waris. Ah, bah donc on gagne souvent contre eux, je crois. Ouais, mais 4 ans quand même. Parce que juste après, je crois que c'était le Covid, hein, plus ou moins, et les championnats s'étaient arrêtés. Je crois qu'on les bat, on perd c'est à Montpellier. Ça, et ils avaient le gardien, Nicolas Lemaître, qui avait fait son premier match. D'accord. Qui est actuellement, je sais pas où, ouais, Quevilly. Il est déjà Quevilly après. C'était un peu un Bélarouche adverse, quoi. Et pas roux à Nicolas Lemaître, aussi. Ouais, c'est un roux. Bélarouche. Si, on n'a pas parlé contre Toulouse du geste technique de Bélarouche, à un moment donné, devant l'attaquant de Toulouse, une feinte, et puis. J'ai pas vu le match. Ah, si, j'ai vu en replay. Oh. Mais En gif, exactement. Bon, donc Reims, on prend un but rapidement. Oui, voilà, exact. Un but un peu idiot. Mais bien construit par Reims, quoi, il faut bien le dire. Ouais. Un beau décalage trouvé sur le côté droit. C'était une belle action de Reims, ouais, effectivement. Delaine quand même à la rue. Interception, qui anticipe et qui se fait trouver. Bon, ça, c'est Delaine. Typique Delaine. Et donc ensuite, suicide collectif du stade de Reims. Ah, c'est clair. Le gars qui. Il y a déjà un pénalty, il y avait un pénalty avant. Gamero. Déjà, c'est un suicide qu'il a égalé. Le penalty, il est débile. Oui. Oui, le penalty est bien débile. Sébastien joue bien le coup. Sébastien joue très bien le coup, ouais. Ouais. Mais il y a faute. Gamero. Il était titulaire ou. Non, il remplace Diarra. Et en fait, une ou deux minutes après son entrée en jeu, il. Ah oui, Diarra était blessé. Ouais. Oui. Il était incertain avant le match et apparemment, il était. Il était malade. Ou malade. Malade. Mais oui, j'avoue que le. Le combo là, c'est donc ils ont un mec qui entre en jeu, il s'embrouille avec Sissoko, pour une histoire à la con au milieu de terrain, il est deux près d'un jaune. Exact. Et après, il décide d'aller découper un gars à 60 mètres de but. Santos qui fait une contre-attaque, mais genre de but sa surface, il se dit tiens, quelle bonne idée, je vais le dégommer là, devant sa surface. Tu sens le mec qui se souvient pas qu'il a un jaune à ce moment-là. Il était encore dans son camp, on est d'accord. Il était encore dans le camp, Rémois. Du coup, ça fait beaucoup quoi. Un penalty cadeau plus un rouge cadeau. Plus un coup franc concédé derrière, où ça fait but. Voilà. Le tout en 5-6 minutes. Alors sur demi-temps, à mon avis, en 5-6 minutes. Hein. Oui, ça change un petit peu la physionomie du match. Avec un caviar de Bakwa, quand même, sur le deuxième but. Le franc, il est vraiment. Il est, le gardien ne peut pas vraiment sortir. Et puis en même temps, on laisse tranquillement Scylla tout seul. C'est dans la zone que l'arqué disait à chaque fois. Entre le gardien et les points de pénalty. Dylan Bakwa. Avec un Bakwa. Un grand admirateur de Jean Mimi. Dylan Bakwa est en grande forme, effectivement. Oui, il fait un très très grand match contre. Mais il est sur une série de passes décisives depuis. Mine de rien, s'il a des buts à chier, mais il a mis 3 buts. Hein. Ouais. Deux en championnat, en coupe. Ouais. Il a marqué à Clermont. En tout cas, il apporte une vraie plus-value dans les conférences d'avant-match. Parce que ça, c'était l'autocritique. Je n'ai pas eu le match qui va suivre, mais j'ai vu la conférence d'avant-match étant en vacances. C'était vraiment un régal. Tu regardes les conférences? Non, c'était la première fois. Et peut-être la dernière. Tu sais, c'est quand t'es chez le dentiste. C'est un peu ça. Mais qu'est-ce qu'il a raconté dans cette conférence d'avant? Mais les DNA en ont tiré un article. Non, mais ça, ils peuvent tirer un article à partir de n'importe quoi. D'habitude, les DNA, quand il y a des conférences de presse, ils font toujours une vidéo du joueur et une vidéo de l'entraîneur. Là, sur ce match-là, ils ont fait deux vidéos de l'entraîneur. Mais ils ont quand même retenu que Silla disait qu'il était... Il était content. Déçu de sa saison. Non, il était pas content. Ah, il était pas content. Ouais, il était déçu de sa saison. Il était quand même conscient que sa saison n'était pas un triomphe. Non, mais il parlait peut-être des thunes. Hein. Non, mais c'est le premier pas, ça. Ouais. C'est l'acceptation. Ouais, c'est l'acceptation. J'ai fait une mauvaise saison et je vais rebondir. J'ai tout cassé. C'est notre joueur le mieux payé, faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Nous l'oublions. Mais le Racing fait ceci étant une très mauvaise mi-temps, une très mauvaise deuxième mi-temps, hein, et le drame contre Reims, hein, et le drame à la fin avec ce but refusé. Ouais, pour pas grand chose, et puis finalement le but à la dernière. Donc presque. Oui, avec la sortie du gardien un peu étrange. Ouais. Aboubakar Ali, première passe décisive, à noter, qui signera son premier contrat pro quelques jours plus tard. Avec un magnifique. Mais c'est bien payé. Fleurs autour du cou. Offert par sa maman. Par sa maman, tout à fait. C'est bien payé. À voir pour ceux qui n'ont pas vu. C'est bien payé, mais il faut aussi savoir prendre les points là où ils sont. Oui. Et l'important, c'est les trois points. Les points prêts ne sont plus à prendre. Exactement. Les lieux communs, les lieux connus. Alors, bien sûr. Mais on va remettre le bleu de chauffe pour aller à Lille. Évidemment. Gardez la même exigence, ou je sais pas quoi, Vieira a dit. Ouais, alors attends, non, ça c'était le truc. Entrer dans l'espérance, ça c'est Jean-Paul II. Il y a des titres accrocheurs dans les DNA, tu te dis, mais il parle de quoi? Parce que ouais, il faut garder sur les 5 derniers matchs cet esprit et tout ça. Ah, il a aussi sorti, faut être ambitieux, je ne comprends pas du maintien. Ça c'était après Toulouse. C'est après Toulouse. Dans l'équipe, Le mec vient de faire un 0-0 dégueulasse à Toulouse, mais à part ça, il se contente pas du tout. Il faut que Strasbourg apprenne à être ambitieux. Oui, voilà, un truc comme ça. Il suffit de le dire pour l'être. Bah, ouais. On pourra en discuter après à Lille, d'ailleurs. Strasbourg est une équipe ambitieuse. Voilà, mais bizarrement, dans les questions des radio-chubistes, on ne parle pas du tout des matchs. Hein, donc on arrive à Lille. Lille qui vient de jouer 120 minutes il y a 3 jours. Donc c'est quand même le truc idéal, quoi. Hein. Oui, mais non, parce que de toute façon, le football, c'est les matchs les uns après les autres, et puis il faut se relancer. Il a dit qu'on était ambitieux. Résultat, t'as une première mi-temps où tu dépasses le milieu de terrain une fois. Et où tu vois clairement que c'est une consigne de l'entraîneur de ne surtout pas dépasser. C'est-à-dire que les défenseurs, les milieux de terrain, n'ont pas le droit de dépasser le milieu de terrain. Il a trop peur de se prendre des comptes, il a trop peur de la vitesse, et il l'a avoué après coup en interview d'après-match. En disant, ouais, c'est quand même une équipe qui joue très vite vers l'avant, qui offensivement est très bonne, j'avais peur de me découvrir. Et on va le voir, puisque pendant 70 minutes, il ne prend strictement aucun risque, et à partir de la 70e, il fait tous ses changements, il joue son va-tout, et à ce moment-là, évidemment, Strasbourg se procure une occasion, parce que du coup, Lille n'a rien branlé du match, hein, on leur offre un but cadeau, ils le prennent. Ouais. Et ils ont une deuxième occasion où, effectivement, Gilbert est à la fois. Le mec qui fait la boulette et à la fois qui sauve, il s'auto-sauve, enfin c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais sinon, Lille ne fait pas grand-chose et la deuxième période, ils font carrément rien du tout. Et Strasbourg se dit, bon, il y a peut-être un moyen de moyenner, quoi. Sauf que non, parce que c'est vrai qu'on est finalement une équipe contre qui c'est assez facile de gérer, quoi. On est inoffensif. Alors c'est pas tellement qu'on est inoffensif, c'est qu'on n'y a pas de notion de rupture dans notre jeu, tu vois. Ça ronronne, c'est. On est sur les bases, effectivement on sent que quelque part c'est un peu un paradoxe, on a des bons défenseurs, mais c'est aussi parce qu'on n'ose pas s'exploser. Déjà il y a Gamero tout seul devant, c'est quand même léger. C'est une catastrophe, ça n'a jamais marché. Et puis là il a plus l'âge. À Séville ça marchait, mais parce que tu avais trois bons milieux offensifs derrière lui. Oui, puis il avait 10 ans de moins quand. Oui, il est encore jeune, ça, 87. Mais je vois qu'il n'y avait que Gamero et Bakou alors devant. Il paraît qu'Emmanuel Emega est entré en deuxième mi-temps. Ah oui, avec la stat qui tue, quoi. Ils ont cassé Opta deux ballons touchés. Dont cette frappe quand même, où le face-à-face qui finit 3 mètres au-dessus et 10 mètres à côté. Hein. te demandes comment il a réussi à faire ça. Non, vent exprès, je sais pas comment tu peux elle faire. Elle finit au-dessus et à côté. Oui, c'est ça. Mais... Alors qu'il est dans la surface, enfin, tu vois, c'est presque comme un pénalty. Il est gardé, bien sorti. Mais même les commentateurs, même les commentateurs ont eu de la peine, évoquant un possible faux rebond. Quoi. Bon, tu sais ce qu'on dit, hein, après Mozart, le silence qui suit est encore de Mozart, bah, c'est pareil. Bon, après, pour le défendre, il est quand même pas aidé, parce qu'il n'y a pas grand-chose derrière, hein, de joueurs capables de lui donner des bons ballons. Mais bon. Bah, ça mais dépend, on vient de dire du bien de Bakwa, qui effectivement, il a quelques défauts. Il n'a pas fait un grand match dimanche non plus. Hein. Bah, je me souviens, c'est Santos qui lui fait la passe. Il fait Liège-Bastogne. Et Santos a été vraisemblablement un des joueurs les meilleurs, en tout cas au milieu de terrain, clairement. Et c'est lui qui fait cette action-là. Diarra essaie d'accélérer quelquefois, mettre un petit peu le booster, mais c'était compliqué. Après, les joueurs sortis du banc ont un petit peu renversé la table quand même. Donc ça, c'est intéressant à noter quand même. Même si c'est des jeunes joueurs qui remplacent des jeunes joueurs, parce qu'on a mais pour le coup, les joueurs qui rentrent sont pas forcément les faire-valoir de ceux qui étaient titulaires. Quoi. Mmh. Des fois, ça se tient à pas grand-chose. Il n'y a pas de hiérarchie. Mais surtout, il a changé complètement la tactique. Hein. On avait la tactique habituelle au début de match. À la fin du match, il est passé à une défense à 4. Il a remis 3 mecs vraiment sur le front offensif avec 2 ailiers. Il est revenu à un système qui, à mon avis, il préfère et qui a procuré plus d'occasions effectivement dans les 10 dernières minutes que tout le match. Et t'as cité un nom aussi d'un joueur qui se fait beaucoup remarquer. Enfin, je vais être sur le baromètre du Stubb à chaque fois. André Santos. Qui, encore une fois, moi, j'ai pas vu l'île dans les Toulouse. Commentaires, même dans les commentaires de. De matchs qui peinent à décoller, les commentaires ont peine à dépasser la page des fois du topic. Oui. Mais on y reviendra. André Santos apparaît quand même comme une satisfaction, disons, c'est un joueur qui a sûrement quelque chose pour l'avenir et qui montre déjà de belles aptitudes. Ouais, mais c'est plus par contraste. Il y a quand même Moulungul, qu'on adore. Ouais, qui le voit, qui le voit gagner la Coupe du Monde avec ses enfants. Et en fait, ça l'intéresse pas que Fofana se joue déjà la finale de la Coupe du Monde l'année dernière. Il s'intéresse à ce que Santos la gagne en 2034. Après, il pouvait, à sa décharge, pouvait-il savoir qu'il y avait une finale de Coupe du Monde en plein mois de décembre ? Non, mais il avait vu. Coupe du Monde, récemment. Il n'avait pas vu. Ouais. Non, mais effectivement, André Santos, en fait, il y a quand même ce côté genre. Ah oui, un joueur de foot, tu vois. Oui, mais c'est. On a plus l'habitude. Ouais, c'est ça. Oui, mais ça veut pas dire qu'il est bon. Certains voyaient Persic dans ce rôle. Ouais. Mais c'est comme que dans une boîte, je sais pas, t'as. J'étais sûr. C'était les commerciaux qui faisaient plus rien. Non, mais. Et d'un coup, il y a un gars qui appelle et qui prend des rendez-vous. Tout le monde fait genre, waouh, le nouveau, son taf, quoi. Le nouveau Zidane. Non, mais c'est vrai qu'un joueur qui prend la balle et qui avance un peu. Il n'y en a aucun en Russie. Avant, l'an dernier, il n'y avait pas grand monde non plus. Pas des fois, bon, le ballon. Des fois. Mais par rapport à Persic, il a deux grosses différences, c'est que déjà il marche, il va au contact, il va au mastic. Persic ne va pas au mastic, lui il va, il prend, il donne, et l'absence de gelon. Alors que Persic, le gelon, c'est quand même... Ah mais il régalait en gelon, c'était bon. Mais alors que du coup Santos, c'est vraiment le côté brésilien, il joue très très court à chaque fois. Intérieur du pied, il se pose pas de question, c'est intérieur du pied, je cours, mais effectivement il arrive à se retourner, à jouer vers l'avant. Oui, mais c'est la base, c'est ce qu'on attend d'un milieu de terrain en Ligue 1. Et c'est juste, il nous paraît bon par contraste avec ses coéquipiers, mais c'est pas. Bah, du coup, Junior Manga. Il a disparu. Comme il avait disparu, parce qu'il avait joué le premier match à Metz, en début de saison, donc Metz, c'était déjà la 10e journée, un truc comme ça, pendant 10 matchs, on l'avait pas vu. Et il a été apparu et dans la bonne période, c'était quoi, décembre, où on a eu la bonne période. Il a mis un très beau but contre Lille. Lille au match de Jean-Pierre. Il a fait quelques bons mois quand même. Il a fait quelques bons mois, on va dire deux semaines. C'était vraiment double bien. Double derrière Iglesias. Voilà. Et depuis maintenant que Santos est là, il joue les utilités. Ouais. Après, peut-être Santos, on lui a peut-être dit, hein, au moment où on lui a dit qu'il pourrait peut-être rester à Strasbourg l'an prochain, il devient bon. Bah, tu le sens comme ça. Ouais, il aime pas la flamme. C'est étonnant. Bah, le club veut le garder. Enfin, ça fait. Alors je pense que Santos, pas Santos. Marc-Angelo, lui, il adore les Krumberger. Il veut absolument rester. Le Vedel. Il veut goûter toutes les spécialités italiennes parce que vu comme il a été à chier toute la saison, il a vraiment envie de rester une deuxième semaine. On est sur une session coupage de pain. Enfin, ça, ouais. C'est les petits, ça, c'est les coulisses. C'est les coulisses on parle d'un Brésilien. Ben Angelo, lui, il reviendra jamais, non, c'est ça. Ah, mais non, je pense qu'ils vont, ils vont essayer de le remettre. Oui, fin de saison. Il n'y a pas un 3. D'où l'intérêt de la multipropriété de prendre un troisième club où les mecs encore plus nuls pourraient aller. Quoi. Je pense que les mecs, ils sont au courant qu'ils l'ont prêté à Strasbourg et qu'il a fait une saison à quoi 4 passes décisives en 20 matchs et globalement insatisfaisant. Il y en a autant. 4, il en a quand même fait 4. Ouais, en Ligue 1. Ouais, peut-être, si tu cumules avec la coupe, peut-être, ouais. Ouais, enfin, ça dépend comment tu calcules les passes, mais. Ouais, c'est trop. C'est 3 passes en Ligue 1 et une passe en coupe. Ah, ah voilà. Non, d'accord. Ouais, ouais, mais en coupe. Incollable, si, contre Awan Chinon. Et. Non, bon, il a pas marqué, mais on n'attend pas ça forcément d'un Brésilien. Non, c'est contre le Havre. C'est vrai qu'on attend ça d'un joueur de ça, c'est vrai qu'il a joué à vous. Ouais. Contre Awan Chinon, j'aime. Ouais, ouais, il était pas bon contre Awan Chinon. Ouais, il a pas été très bon tout au long de la saison, honnêtement. Il a fait quelques dribbles. Des stéréotypes. C'est un peu le Robben du Witch. Robben Thauvin, mais. C'est Temu, je pense. Du coup, comme on a enfin fini de parler de foot, à moins que vous ayez encore des trucs à dire sur ce magnifique match. Non, mais sur les matchs, il n'y avait pas grand chose d'autre à dire. C'était relativement limpide, tu vois. C'était pas des matchs vraiment polémiques où soit on a été bon, soit on a été très mou à Toulouse et on n'a pas été bon à Lille. Voilà. Fini. Oui, c'est ça. Mais... Donc, du coup, victoire, nulle défaite, merci. Résultat logique. Ouais. Mais c'est la victoire à Nantes qui a. Le starter. Ouais, qui a scellé un peu le. Le maintien. Comme la saison dernière, hein. Oui, on se maintient souvent. Non mais finalement, le maintien l'an dernier. Oui, et comme ça s'est fait juste avant Nantes, la première saison. Ouais. Le maintien cette année, finalement, était assez facile. Bah, attention, on parle sous Maître Galibert, on n'a pas encore validé le maintien. Oui, bon. PSG n'est pas champion, mais bon. Après, en termes mathématiques, c'est compliqué. Je pense qu'on a. On a 8 points d'avance à 4 journées de la fin. C'est ça, 8 points sur 2. Sur 12. Et encore, avec les équipes qui peuvent se rencontrer derrière, ça peut se réduire. Donc bon, il faudrait quand même. C'est un bel exploit si on descend. On peut mathématiquement sauver au prochain match. Oui, effectivement, oui, je crois. En plus, il y a du coup le PSG qui joue contre le Havre. Ouais, donc. PSG, s'ils gagnent, ils sont champions. Donc je pense qu'ils vont pas aller à domicile. J'ai l'impression qu'ils veulent pas gâcher, quoi. Ouais. Après, il faut encore combattre Nice, qui n'est pas gagné, puisque Nice, ils sont quand même encore en course pour l'Europe. Mais on jouera au Havre. Mais en plus, on a la sécurité de jouer, parce que je crois que le PSG joue un jour avant, donc on a la sécurité de jouer en connaissant les résultats des autres. Donc logiquement, effectivement, si c'est pas ce week-end, ce sera le prochain, on décrochera officiellement un maintien, qui aura été quand même beaucoup plus facile à aller chercher que l'an dernier. Bien sûr, on parle même pas de la saison 2017-2018. Finalement, t'as l'impression qu'il a suffi de donner les 2-3 petits coups d'épaule quand il a fallu, typiquement à Nantes. Sur la bonne période cet hiver et que ça a suffi en fait, alors que c'était quand même très pauvre en termes de jeu. On a deux séries dans la saison avec 8 matchs sans victoire. Ouais. Deux séries, enfin, c'est normalement. Non, c'est incroyable, en plus avec des contenus à fort. Oui, la plupart du temps. Et finalement, on se maintient parce qu'on fait en décembre, on fait une série de 3 victoires qui nous permet de remonter. Oui, il y a le début de saison qui est correct avec les 2 matchs à domicile et la victoire avec Metz. Avec Bellegarde. Avec Bellegarde, bon. Les 6 points de Bellegarde. Facile. Et à moins de battre le Havre ou Metz, on n'aura battu aucune équipe de fort cette saison. Ouais. Mais du coup, pour élargir un peu la focale et introduire le suite des débats, finalement, si tu te places d'un point de vue purement financier, produit standard, prévisible, revendable, livré bon assuré, bon père de famille, livré, ouais, rendement correct en fait, hein, finalement, et le fait de vendre Cels ne prête pas à conséquence, donc c'est 8 millions facile, donc en fait on commence à voir le résultat de cette gestion quoi, et d'un pur point de vue rationnel finalement. Alors c'est chiant, hein, le supporter évidemment ça l'emmerde. Hein. On n'a pas vibré cette saison, il n'y a pas eu de moment particulier. C'est vraiment un truc mémorable. La victoire à Metz, mais c'est plus par le résultat parce que la manière était. Le match était chiant. Quoi. Enfin, oui, effectivement. Le retournement de Lille, mais. C'est peut-être une autre constante du. Ouais, bonjour. Le match était chiant, c'est aussi une petite constante de cette année. Ouais. Ça introduit en plus le sujet. Mais ouais, c'est ça, chiant un peu partout, quoi. Chiant en tribune, chiant sur le terrain. Ce qui ressortait de la période niçoise de Vieira. Mais après, au moment où le le club change de main, l'idée c'est quand même pas une 15ème place, hein, c'est quand même pas un maintien. Peu importe, hein, c'est juste mettre les produits en vitrine. Oui, mais je veux dire, on nous a quand même pas présenté un maintien, parce que clairement, aujourd'hui, on regarde derrière, on regarde pas devant. Pas du tout. Non, Patrick Vieira a dit. Aucunement, le Racing s'est dit, tiens, la 6ème place est potentiellement accessible. On ne perd ni derrière ni devant. Sur le moyen terme, on nous a vendu un projet comme ça. Marc Keller, c'était dans le Stuhl, Marc Keller a dit en octobre, quand on était quasiment relégable, qu'il fallait être patient et que ça prendrait plusieurs saisons. Ayez confiance. Ayez confiance. C'est l'article de l'équipe. Ouais. Après, c'est toujours pareil. Tu peux aussi interpréter le débat de Sales comme ça. Reprenons des lunettes de financier. Se qualifier pour la Conference League de l'UEFA, d'un point de vue financier, ça n'a aucun sens. C'est une coupe qui rapporte moins que ce qu'elle coûte en termes de déplacement, salaire de joueurs en plus, pour avoir un effectif complet capable de jouer sur les deux tableaux. En fait, le seul truc qui rapporte de l'argent en termes de coupe européenne, c'est la Ligue des Champions. Donc en fait, soit tu fais un club qui navigue entre la 9e et la 14e place, qui se maintient relativement tranquille et où tu peux faire... Tu peux lancer les jeunes. Ta pompe à jeunes joueurs, soit éventuellement tu essayes de monter un projet Champions League, et ils ont fait comme tout bon financier, c'est-à-dire qu'ils ont réparti leur placement. Le placement qui est, ça marche pas, mais dans leur esprit, le placement qui est censé viser la Champions League, c'est Chelsea, et nous, on est le tout petit truc annexe, puisque je rappelle que Chelsea, c'est plus d'un milliard, je crois. Oui, ils auraient passé 1 milliard. Donc c'est sûr que les 70 millions chez nous, c'est... en termes de proportion, c'est la petite bière. C'est ça. C'est ce qu'on disait, c'est le prix d'un remplaçant de Chelsea. Ouais. Ils ont acheté le club pour le prix. Même le prix d'un mec que Chelsea prête à Strasbourg. Quasiment, ouais, non mais quasiment, ça, on va en arriver là. Alors que Chelsea pourrait finir plus bas que le Racing. Hein. Non, ouais, ils ont encore perdu, je sais pas, quoi, c'est 4-5-0 contre Arsenal. Manita, là. Chelsea peut, ou le Racing peut finir à peu près à la même place, hein, parce que pendant longtemps, les deux étaient 11e. Hein. Ouais. Oui, non, c'est possible. C'est pas... Dans le cas du Racing, c'est relativement prévisible et je pense conforme à la feuille de route, quoi, quand disent Marc Keller. Parce qu'en fait, la 8e place, ils avaient parlé de top 8, la 8e place ne les intéresse pas, quoi. Ils s'en foutent de la 8e place. C'est du coup en plus, cette saison. Bah oui, oui, donc. Oui, parce que le 7e peut être européen a priori. Si le PSG. Si le PSG gagne la Coupe. Et champion. Parlons d'argent. Hein. Alors, attends, là j'ai des questions Radio Subis. Prends ma casquette de JP Larky. Ok, j'ouvre le classeur. Alors, j'ai plein de questions, je peux commencer avec une question. Il y a Rika Lewis 67 qui nous dit « Celle des Charbonnards, le retour de Radio Stu est-il corrélé avec la défaite du Racing à Lille ?» Pas du tout, parce que ça avait été envoyé avant le message d'invitation. Mais c'est l'inverse. C'est eux qui... Enfin, ouais. c'est le fait qu'il y a un enregistrement de Radio Stu, tout d'un coup il y a les colis qui se claquent et on perd, quoi. Tu t'es calé sur la défaite de la réserve. Voilà. C'était spoiler encore, on va parler. Ça, c'est un autre truc. Ilvecchio qui dit pépite premier, pépite 2 en ventre. On en parlera après. Il y avait un truc sur l'argent là. C'était où la question argent des nains. Est-ce que je peux déduire la pension alimentaire que je verse? C'est bientôt la saison les des déclarations. Les 10 joueurs à ne pas faire. C'est ça, la déclaration. Avez-vous pensé aux frères L? Pouvez-vous déclarer les joueurs de moins de 23 ans sur votre déclaration? Si vous vivez dans ton foyer, il y a peut-être moyen. Caisse de communauté payée 20 000 francs. Non, c'est le nouveau Ricalemus 67. Encore lui, décidément. Décidément. Les comptés, il a marqué comptés, DNCG du Racing ont été publiés. 18 mois. Parmi les minimum. Oui. Parmi les bénéfices, une ligne apparaît sous l'appellation « Autres produits » qui apporte 20 millions, soit plus que les droits TV, 18 millions, ou encore que les sponsors, 15 millions. À quoi correspondent ces revenus très vagues? Et là, nous avons les chiffres. Bah, alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, je pense que... Alors, du coup, on ne sait pas vraiment du tout ce qu'il y a dessus, mais c'est... Non, non, en fait, la DNCG, on le suppute. T'as des subventions, t'as... Non, autres produits, ouais. 20 millions. Ah, autres recettes. Recettes, mais alors, du coup, sur quelle saison? Bah, sur 2022-2023, puisque c'est les comptes qu'on a eus. C'est 20 millions d'euros, c'est quasiment c'est un tiers du chiffre d'affaires. C'est vrai que les années précédentes, c'était même pas 10%. Enfin, Est-ce que c'est pas simplement l'augmentation de capital pour. Ils ont augmenté le total du bilan quand Blueco a mis de l'argent. Le bilan a baissé. Actif-passif, le bilan a baissé. Est-ce que Radio Tube serait collé? Est-ce qu'on a un expert comptable parmi les. Les Stubos, je sais pas comment on dit maintenant. Bon après, il y a les mutations là-dedans. Non, les mutations, c'est ligne à part. Ok. Ah non, et même les amortissements de mutations, ça se retrouve dans les charges. Mais ah, attends. Sortez votre plan comptable général. Mais sinon, on peut. Non, mais attends, il y a pas une histoire de. De remboursement du PGE, mais ça c'est. Non, ça apparaît dans le résultat. Non. Alors d'un point de vue purement comptable, s'ils avaient des comptes courants d'actionnaires qu'ils ont abandonnés pour les récupérer en vendant à Chelsea. Un compte courant d'actionnaire est à zéro. Bah oui, voilà, c'est ça. Oui, il y a le compte courant d'actionnaire, mais c'est 2022-2023. Oui, du coup, ils ont nettoyé les comptes courants d'actionnaires. Et on a vendu avant la fin de l'exercice. Avant de vendre. Voilà. Donc on a abandonné le compte courant. Voilà. Et ensuite, on récupère le pognon. Mais ce qui est intéressant, quand même, si on détaille un peu ces comptes, je pense qu'il y a plusieurs enseignements. C'est déjà les rémunérations du personnel, donc joueurs, SLO, grande majorité, trop, le SLO qui coûte très cher et le reste du personnel. Il fait des soirées à raclette. Hein. Aujourd'hui, on a 45 millions d'euros. Enfin, la saison dernière. La saison dernière. Attends, le Morbier et tout, le fromage, ça a augmenté. On était à 45 millions d'euros de salaire l'an dernier sur 162 millions de chiffre d'affaires. Donc 73% du CA va dans les salaires, ce qui est énorme. Enfin, aucune entreprise hors football, voilà, n'est là-dessus. Fonctionne ainsi. De manière générale, bah forcément, comme souvent et comme depuis 2018, les charges sont supérieures aux recettes. Ah putain, non, je sais ce que c'est les 20 millions. Ah. C'est le fric de CVC. Ah bah oui. Parce que tu le vois qui apparaît dans ton tableau, c'est très radiophonique. C'est vraiment, ça. Justement. Tu le vois qui apparaît. En fait, c'est un poste qui est relativement mineur jusque 2020, jusqu'au moment du Covid. Parce qu'en 2020, tu as 19 millions de droits TV, donc ça, c'est relativement conforme à ce à quoi on s'attend. Mmh. 9 millions de sponsors pub, recettes match, 6,5 millions. Avec la fin de saison. Et autres, 2,2 millions. Mmh. Et d'un coup, la saison d'après, tu as 11 millions de recettes hautes, donc tu passes de 2 à 11, puis de 11 à 12, puis de 12 à 20. Donc en fait, là-dedans, c'est le fric de CVC. T'as les aides de l'État aussi qui peut-être des aides de l'État. Et alors c'est très intéressant parce que ça c'est du one shot. Ah oui. Donc c'est de la cavalerie. Donc sur un bilan où t'as 20 millions qui correspondent à autre qui en fait est un produit exceptionnel lié à un moment très conjoncturel où t'as vendu un actif de long terme pour du cash. Tu réussis quand même à être en déficit de moins 14. Bah, t'as un tiers de ton CA qui est effectivement du one shot. Imagine sans imagine sans ça. Prenons un truc rien à voir. Une usine avec ses machines. Ils ont plein de très grosses machines qui valent très cher. Ils ont vendu une machine à un aigre fin pour dégager du cash pour payer les salaires. Mais là, ils ont plus la machine. Ouais. Et peut-être même qu'ils vont devoir la louer. C'est une très belle métaphore. Bah oui, non mais c'est ça. Donc en fait, c'est une prostituée. Elle a vendu son cul. Elle a fait une cicatrice. Elle peut plus l'utiliser. Mais comment elle fait? Exactement. Et du coup, outre ça, au niveau des recettes, ça a changé Radio Stubo. Prostituée, pas plus. Non mais les charges. Elle a été vendue aussi. KPMG Stubo. Non mais le total des charges qui passe de 67 en 2021-2022 à 76 millions en 2022-2023. En fait, on a déjà quasiment 8 millions d'euros. Enfin, tout s'explique par ça, hein, quasiment l'augmentation des salaires. Tout s'explique. Ah, mais la hausse des charges s'explique. C'est intéressant de dire qu'en fait, finalement, l'argent de CVC aura servi à un salaire. Exactement. Ce qu'il fallait surtout pas faire. C'est ce qui avait été dit. Mais c'est pas pour surpayer des joueurs moyens. On dit on paye trop les joueurs, les clubs sont dans la faillite, ils voulaient sauver. On va investir. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente les salaires. Non, mais le deal de la brune. Travail. Humidité. Non, mais le deal de la brune, enfin, ce qu'ils ont vendu au niveau de la LFP, c'est que l'argent de CVC, il devait aller vers les infrastructures pour solidifier un peu les clubs et pour amener un peu gonfler un peu les comptes courants les fonds propres, je veux dire. C'est comme les gens qui disent à leur femme, ouais, je vais juste boire un verre avec des potes, quoi. Dans le mat, avec la cravate autour de la tête. Donc, ce qui fait que le Racing, avant mutation, avant les transferts, on est sur moins 14 millions d'euros de résultats. Et qui est très intelligent? Marc Keller connaît beaucoup les lignes de bilan et a vu ce genre de choses bien longtemps avant nous, parce que nous on apprend ça là, t'es sur une image d'il y a un an et demi quasiment. C'est ça. C'est au 30 juin 2023. Voilà, c'est. Évidemment, enfin, quand tu vois ce bilan-là, tu comprends d'autant mieux l'urgence à vendre. C'est-à-dire que une fois que tu vas enlever ces 20 millions de CVC qui ne seront pas présents sur l'exercice 23-24, et qu'au contraire, ils vont commencer à prendre leurs 13% et même 18% la première année sur des droits TV qui eux-mêmes vont baisser. Donc, c'est la double peine, parce que si tu prends ton poste, donc 62 millions de recettes. 20 millions qui vont disparaître et tes 17 millions de droits TV, bah, tu peux enlever un bon 20% entre la baisse et minimum. Hein. T'enlèves 4 millions, je pense, sur les droits TV. Et par contre, ton poste rémunération, ton poste amortissement de transfert, ça reste. Bah oui. Donc tu peux enlever 24-25 millions. C'est ça. De tes recettes. Donc tu passerais de moins. Pour avoir les reins particulièrement solides pour s'en remettre. Donc à moins de vendre pour beaucoup plus que les 13,5 millions qui sont rentrés en 2022-2023. Bah... Ou d'avoir un nouvel actionnaire majoritaire. Ouais. Par exemple. De manière générale, si je regarde sur les 6 exercices qui sont disponibles sur le site de la LFP, hein, si jamais, vous téléchargez tous les rapports. Lâchez le QR code sur votre radio. On le mettra peut-être dans le lien de l'article. Avec les règles du jeu. Tu pâtes la ligne. En fait, 2022-2023, c'est le seul exercice hors la saison Covid, hein, qui est un peu particulière. C'est la seule saison où on a un résultat net après impôts et après transfert négatif. Déficitaire. Sinon, on était tout le temps positif. On était tout le temps positif. Mais on aura peut-être une perte en 2020-2021. Oui, mais c'est Covid. C'est Covid. COVID. Après, il y a eu deux séismes que le foot français a affronté. Le Covid, comme tout le monde, et Mediapro, le fiasco qui a failli avoir la peau du foot français, qui finalement qui a eu que la peau de son cul. La peau de Pierre Vinès. Ouais, mais on n'est pas les seuls. Mediapro, il avait fait le même coup en Italie. En Italie, il l'avait refusé avant. C'est-à-dire, en fait, ils ont pas. En France, je pense qu'il y a une partie des gens qui ont cru à cet argent. Ah oui, non, mais c'est certain. Il y avait des présidents qui ont triomphé. Et en fait. Voire dépenser. C'est tout le drame, en fait, c'est qu'ils ont fait une double erreur. C'est-à-dire que tout le monde a retenu le côté, genre, ils ont fantasmé sur de l'argent qui n'existait pas, celui de Mediapro. Mais après, ils ont fait une deuxième erreur. C'est-à-dire que Mediapro, contrairement à l'image qu'on leur fait, c'était pas les pimpins du coin. Ils ont eu un démarrage difficile. Ils ont évidemment surpayé parce que eux, leur but, c'était de sous-licencier. Mais là, il y avait, du point de vue de la Ligue, une fois que l'erreur était faite, il y avait un deuxième choix à faire. C'était soit on discute avec le partenaire, on essaie de récupérer les droits, de les remettre en vente, soit on lui claque la porte, et derrière, on essaie de trouver autre chose. Et ils ont réussi à se couper à la fois de Mediapro et de leur partenaire historique, qui était Canal+, qui était très vexé par ce qui s'était passé. Donc ils se sont fermés les portes les unes après les autres. Et là, en fait, on voit que finalement, on tourne toujours autour de ce truc-là. Rappelons quand même qu'on est à 4 journées de la fin du championnat, que les droits TV pour la saison prochaine ne sont pas vendus, que les droits TV, du coup, dans un club moyen du championnat de France, c'est 55-60% des recettes hors transfert. Et que sur ces droits qui ne sont pas vendus à l'instant T, il y aura 18% qui sera pris l'année prochaine par le fonds d'investissement qui veut se rembourser. Donc ça commence quand même à faire une quadrature du cercle. Alors tout le monde parle du Qatar, et là depuis quelques semaines, il y a des rumeurs savamment orchestrées par les réseaux habituels du Qatar dans les médias qui disent que peut-être le Qatar va sauver les choses, mais c'est pareil. Je veux dire, en fait, là à l'instant T, dans quelques semaines, c'est l'Euro, après il y a les Jeux Olympiques. Déjà, c'est à peu près certain qu'un nouvel entrant ne peut pas venir sur ce marché-là parce que ça va être impossible à vendre. Tu ne vas pas vendre de la Ligue 1 au mois de juin quand les gens sont intéressés par l'Euro, ni au mois de juillet quand tout le monde sera sur les JO. Il n'y a personne qui va prendre son abonnement en se disant « Tiens, je vais regarder le Havre Toulouse. » Donc en fait, il reste que Canal, Bein, Amazon qui est déjà sorti. Donc en fait, il ne reste rien. Et donc là, La Brune essaye encore de se dire que peut-être il va y arriver. Du coup, il le joue autrement. Au lieu de faire de la négociation sur les droits télé, il fait de la négociation au niveau, on va dire, politique, en essayant de trouver un sauveur qui échangerait les droits TV contre quelque chose qui a rien à voir avec le foot. C'est ça. Mais après, il faut voir quelle est l'influence. Genre le cul d'une pute. Ouais. Mais t'as déjà le propriétaire de Bean. Ça fait cher. T'as le propriétaire de Bean qui avait été reçu par Macron pas très longtemps. Mais tu vois, ça c'est pareil. Ce truc-là, c'est sorti il y a quelques semaines. Tout ça a été. Enfin, il faut, quand des choses sortent comme ça dans la presse, il faut se demander aussi qui est-ce que ça sert. À l'instant T, la personne que ça sert, c'est la Brune. Parce que personne ne se pose de questions sur qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et c'est quand même un type qui est connu pour avoir de très bons réseaux dans le milieu du journalisme et des médias. Oui. Donc là, tout le monde nous vend le fait que le Qatar va potentiellement sauver la Ligue 1. On a plusieurs remarques à ce sujet. Bon, déjà, premièrement, si c'est fait, pourquoi c'est pas annoncé? Pourquoi il n'y a rien de concret qui sort? Donc là, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu à, loin de la coupe aux lèvres? Deuxièmement, si le Qatar fait ça, évidemment, c'est pas gratuit. Hein. Il y a évidemment des contreparties. Et troisièmement, plus personne ne se pose de questions sur le Qatar. Parce qu'il y a deux ans, quand il y a eu la Coupe du Monde, il y avait quand même quelques mouvements pour dire que bon, le Qatar, c'était pas si sympa que ça. Là, honnêtement, s'il nous sauve la Ligue 1, absolument tout le monde dans le football français et au-delà dans les milieux économiques et financiers est prêt à leur donner l'absolution totale de tout. Donc en fait, on voit aussi que ça leur coûte certes très cher, mais le Qatar, à chaque fois, réussit à étendre ses réseaux d'influence et à quelque part, ils deviennent un peu les maîtres, les rois. Et quand tu compares le poids des deux pays, c'est d'un pur point de vue d'influence, ça coûte certes très cher, mais c'est magistral. Quoi. Et ils veulent pas racheter aussi les droits de diffusion de la ligue de basket, là, parce que ça fait quelques jours. Il y a des impayés en fait. L'équipe qui avait acheté qui avait sous-traité ça à un truc Zvek là. Squeak. Je sais pas comment on prononce. C'est ukrainien. Bah, c'est le mec de propriétaire de l'AS Monaco. Oui c'est ça. Et il a des parts à la Zvek aussi. Il a des arriérés donc du coup il y a des matchs qui sont plus diffusés. Ah oui parce qu'il paye pas la boîte de prod ou je sais pas quoi. Voilà. Sachant que le basket c'est déjà limite. Ça marche bien en France les droits télé. Voilà. Ça sent bon. C'est ça aussi. C'est que en fait on. C'est une grande différence entre la France et des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis ou même l'Allemagne. C'est que au Royaume-Uni, aux États-Unis, t'as des gens qui sont effectivement prêts à payer 50, 60, 70 balles par mois d'abonnement télévisé pour voir leur équipe parce que c'est leur truc. Je sais pas comment se passe la situation au Royaume-Uni, mais aux États-Unis, de toute façon, le câble, les abonnements internet, les abonnements téléphonie, c'est des budgets de 150-200 $ par mois, là où nous, on s'en sort à 30 balles. Il n'y a pas du tout le même rapport entre nous. On a aussi un marché qui a été cassé par les Free qui ont baissé les prix. Là-bas, eux, ils sont rackettés vraiment à ce prix, mais ils n'ont pas le choix. Oui, parce que tu n'as qu'un seul distributeur. C'est souvent des micro-monopoles. Et ces micro-monopoles sont alignés d'ailleurs sur les équipes sportives. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, la NBA et toutes les ligues comme ça constituaient des équipes en fonction des marchés du câble. Le propriétaire des Knicks, pendant très longtemps, c'était le câble opérateur de la région de New York. C'était aussi clair que ça, quoi. Et effectivement, dans ces pays-là, ouais, les gens, ils ont des factures. Mais parce qu'ils ont déjà une facture de gaz énorme, une facture d'électricité, ils ont l'habitude de sortir plein de frites comme ça. Et le câble, c'est un truc parmi d'autres. Il y a des vraies grosses interrogations là sur la santé économique du championnat. Tout le monde dit, vous faites les cassandres, ça fait 2, 3, 4 ans que vous racontez ça, mais en fait, on va toujours plus loin dans la cavalerie. Mmh. Et si tu analyses un peu. En fait, là, on a des bilans, on nous donne des comptes de résultats et des bilans très synthétiques, donc tu peux déjà faire certaines analyses. Il faudrait aller dans le détail du bilan, regarder. T'as celui de Lyon qui est dispo parce que c'est son côté en bourse. C'est son bilan beaucoup plus détaillé. Ouais, parce que là, tu peux aller voir dans les flux de trésorerie, tu peux voir les différentes choses. Quoi. Et puis la Ligue 1 perd quand même des têtes de gondole. Hein. Alors, je parle pas que sportivement parlant, mais Neymar, Messi, mais même Mbappé. Et pour les droits internationaux. C'est quand même pas top hein, pour les droits internationaux. Hein. En train de me dire qu'un Le Havre-Metz, ça n'excite pas la planète football. Là, on m'inscrit en faux, là. Moi, ça m'excite. Hein. Ouais. C'est vrai. Bon, je sais pas si un Rétafé, le lead excite plus qu'un Metz Le Havre. Mais bon. Et c'est vrai que si demain, dès la saison 24-25, les droits télé sont divisés par deux. Ce qui serait déjà très bien, divisé par deux, enfin, on s'en sortait presque. Ça nous fera de la place, le championnat. Mais en décembre, il y aura des banqueroutes. On sera en Ligue des Champions. Non, mais tu vois que des clubs moyens comme le Racing, ils ont déjà 75 millions d'euros de charges qui pourront pas diminuer du jour au lendemain, hein, parce que des contrats qui ont été signés, qui sont encore valables quelques années. C'est comme avec Sanjin. Oui, mais tu payes. Mais voilà, il y a beaucoup de clubs, et encore le Racing a un peu de fonds propres, ils sont encore bonnes gestion de bon père de famille. Oui, mais il y a plein de clubs qui vont se casser la gueule rapidement. Bah, en fait, ça sort quand même, ça affleure. En fait, pour l'instant, c'est un peu un non-dit, un impensé, ça sort assez peu, parce que tu pourrais, là, concrètement, t'as des chefs d'entreprise qui sont à la tête de boîtes qui font, c'est des montants d'ETI, hein, quand même, on parle de 50, 60 millions d'euros, ça suffit pour être qualifié d'ETI. Dans n'importe quel ETI, entreprise de taille intermédiaire, un peu plus gros qu'une PME, dans n'importe quelle entreprise de cette taille, on te dit que y a tes revenus pour l'année prochaine qui sont pas garantis, que en gros 60% de ton chiffre d'affaires, il y a un énorme point d'interrogation dessus. Je veux dire qu'il y a tous les gyrophares qui sonnent dans toute la boîte et que là, non, bizarrement, personne ne dit rien. Donc là, en fait, tout le monde. C'est du football. Ouais, c'est ça. Ça rend fou. Totem d'immunité. Ce genre de mecs-là qui sont à la tête des clubs de foot, qui géraient dans tout un autre secteur d'activité. Les mecs, tu peux pas survivre quand tu dépenses tellement dans ton salaire et que tous les ans tu dépenses plus que ce que tu gagnes. À un moment donné, ça ne marche pas dans la vraie vie. Ça s'appelle la République française. Exactement. Non, mais t'as des clubs, le premier domino qui a tourné, c'est Bordeaux. Bordeaux, à titre d'exemple, 125% du chiffre d'affaires, c'est la masse salariale. Et t'as pas encore payé le reste. Donc, tu payes plus le reste. Tu payes plus le reste, oui. À quoi ça sert le PQ finalement? Tu peux faire plein de choses. À la Ménoir, rien. Mais Bordeaux, c'est l'exemple ultime. Eux, c'est, je vois pas comment ils vont réussir à s'en sortir. Mais t'as d'autres petits clubs comme ça. Mais à Montpellier, à Reims, c'est peut-être les suivants à tomber. Hein. Est-ce que c'est pas aussi l'exemple ultime de l'autre côté? C'est-à-dire que Bordeaux, ça fait quand même 3 ans que tout le monde. Que tout le monde annonce que Bordeaux va flancher, et finalement, entre cavalerie, entre genre les gens qui aident, en fait, il y a cette espèce aussi de côté irrationnel, le club de foot, on peut pas le laisser mourir, du coup, tout doit être possible, des crédits d'impôts, des annulations de dettes. Ça marche un temps. Non, mais... Bah, Lance, quand même, à l'époque, Le Crédit Agricole a laissé un truc. Moi, je serais au Crédit Agricole, franchement. Entre la Grèce et Lens, Valenciennes avec Borloo. Et donc il y a aussi ce côté là. Mais il y a cette forme de paix sociale dans le foot. Ça brasse des du pain et des jeux. Mais non, mais ça brasse des emplois aussi. C'est des emplois. Non, c'est des entreprises qui ont 100-200 salariés. Non, en fait, t'as pensé à Ritter, la société Ritter. Ça va au-delà du foot, parce que des boîtes zombies comme ça en France, pour nuancer légèrement ce que Roland disait. T'en as plein comme ça, des boîtes qui ont déposé 1, 2, 3 fois le bilan, et où les pouvoirs publics, les décideurs locaux viennent dire que... Bah oui, non, mais genre, il y avait un article ce matin sur Duralex, je crois que c'est la 3e ou la 4e fois qu'ils vont déposer le bilan. Duralex, qui n'est pas une marque de préservatif, les jeunes. Enfin, tu peux essayer, mais c'est plus pour la gamelle que... mais tu vois, pareil, c'est plus près de chez nous, une boîte comme Clestra à Enkirch, les mecs, ils ont déposé 4 fois le bilan, ils ont mis 4 fois des carottes à leur fournisseur. Il y a 100, 200, 300, 400 personnes qui bossent là-bas. Et tu trouves toujours une BPI ou un truc qui va faire le couillon de l'affaire. Mais quand tu as des ardoises de plus de 100 millions d'euros, au bout d'un moment, c'est plus soutenable. Que les pouvoirs publics puissent sauver. Genre, l'exemple de Sochaux aussi. Hein. Sochaux, ça a été aussi sauvé par des fonds publics, par l'utilisation territoriale. Quel club n'a pas été sauvé? Mais Sochaux, je crois que c'était 10 ou 12 millions d'euros à trouver. C'est parce que Strasbourg dépose le bilan, c'est parce qu'il y avait déjà eu toutes les artifices avaient déjà été faits. Le rachat du centre de formation, c'est une très mauvaise affaire pour le contribuable. Effectivement, le contribuable strasbourgeois a fait des très mauvaises affaires avec le rachat du centre de formation pour un club qui dépose le bilan un an plus tard, donc un bâtiment qui vaut rien ou pas grand chose. Et là, on parle pas des travaux du stade qui sont quand même financés en très grande partie par le contribuable et que... plus de 90%, oui. Ouais, c'est ça, et qui ne seront jamais revus sur le loyer, et que c'est un équipement qui, évidemment, est invendable et inlouable à personne d'autre que le Racing, tu vois. Enfin, c'est évidemment, mais parce que c'est politiquement, effectivement, ce genre de choses, en local, ça pèse, c'est là que tout le monde se rend compte, se serre la paluche, que ça reste... Ouais, c'est aussi une des missions de service public, c'est de payer des choses qui peuvent servir aux gens. Je crois que c'était Matteo qui disait c'est pas plus choquant de donner 100 millions au Racing Club de Strasbourg où il y a 25 000 personnes tous les 15 jours que de donner 10 millions à l'Opéra où il y a 500 personnes. Il y a quand même une différence. C'est pas faux. Il y a une logique. On peut trouver une logique. Il faut les deux. Il y a quand même une différence, et c'est là où on en revient à nos bilans, c'est que en fait, l'Opéra, avec tout ce que ça nécessite, et avec le nombre de personnes que tu peux mettre dans la salle, si tu veux avoir un équilibre économique et que les gens puissent encore aller à l'Opéra en payant un billet à 15 ou 30 balles pour voir des belles créations qui ressemblent un peu à quelque chose, bah effectivement, là, tu dois faire de la subvention. Alors que le football... Ça génère pourrait tellement de recettes que s'il avait une structure de coûts un peu plus rationnelle, il pourrait se suffire à lui-même. Les clubs pourraient dégager 1, 2, 3 millions de bénéfices par an. Ils pourraient aller voir la banque, dire bonjour, on a 20 millions d'apports et il nous en faut 100 pour payer notre stade. Et la banque dirait bon, bah ok, entre votre apport, le foncier, etc., ok, on vous le finance, votre stade. Et pourquoi est-ce que finalement. On en arrive là, bah, tout simplement parce qu'il y a un choix qui a été fait dans les années Thiriez où on s'est dit on veut être dans ce fameux top 5 et donc on a choisi d'être dans le cinquième du top 5 plutôt que d'être le meilleur en dehors des 4. Et dit comme ça, ça paraît comme une litote ou une lapalissade, mais en fait ça veut dire qu'on a choisi entre avoir un problème de recette et avoir un problème de coût. C'est-à-dire que depuis Thiriez, on considère qu'on a un problème de recette. Il faut qu'on se mette à la remorque du reste du football européen et on se compare avec la Liga, la Bundesliga, etc. Et donc à chaque fois qu'il y a un peu d'argent frais qui arrive, ils disent « bah on va acheter des joueurs prestigieux et vous allez voir, on va avoir des résultats en Coupe d'Europe, on va rendre le championnat prestigieux, etc. Et bienvenue le Qatar, etc. » La Liga a le même problème. La Liga a le même problème. Et alors que si on avait réfléchi en disant « bon bah voilà, on va être le meilleur en dehors des quatre », on aurait davantage réfléchi sur une structure de coût. Je prends un autre exemple qui n'a rien à voir, mais qui montre qu'il n'y a aucune réflexion en termes de ligue. Un truc comme la plateforme de revente de billets du Racing, là, le truc un peu buggé qui a été greffé à la billetterie. Bah, ce truc-là, en fait, ça vaut quand même quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers d'euros. Il faut une API avec la banque. Et ce truc-là a été mis comme un greffon sur le système de billetterie. Il y a des développeurs qui ont bossé. C'est pas si simple que ça à faire. En plus, comme c'est le Racing, le club de foot, soi-disant, ils ont de l'argent, ils ont dû payer ça bien cher. En fait, c'est un système qui, dans l'absolu, est réplicable dans les 20 autres clubs de Ligue 1. Oui. Mais tu peux tout à fait imaginer que chaque club de Ligue 1 paye son propre système de billetterie. Évidemment. La NBA, c'est ça. Ils ont un système unifié. La NBA, tu achètes ton billet, tu le payes sur la plateforme de la NBA. Ils ont mutualisé les coûts depuis très longtemps. Et en fait, ça vaut pour beaucoup de choses. Il n'y a aucune structure de mutualisation des coûts. Il n'y a évidemment aucune réflexion sur les salaires. Donc évidemment c'est la surenchère, c'est la course à l'échalote, on veut pas être relégué, donc on prend un gars qu'on va payer très cher parce qu'il va marquer les 3 buts qu'ils vont nous faire. Voilà, c'est ça. Et donc en fait tu peux pas t'en sortir. Conclusion de tout ça, aller à l'opéra. On peut mettre le foot à l'opéra, on peut mettre Filzer à l'opéra. Ténor à l'opéra. J'imagine les transferts entre les ténors et les barytons qui passent de l'opéra de Turin, ils arrivent à Milan. Tu serais quel serait le grand avantage de mettre Filzer à l'opéra plutôt qu'à la Meno? C'est qu'à l'opéra, t'as l'écran au-dessus qui te donne le texte, en fait. Donc tu comprends ce que le gars dit. Parce que même si tu piges pas, c'est écrit, donc tu peux lire, tu vois. Donc t'imagines l'avantage sur Filzer depuis tout le temps qu'on essaie de comprendre ce qu'il dit. Il y a des piquants, hein, là. Ah, mais franchement, il y a un petit bar. Il y a des knacks et de la bière, hein. C'est l'opéra. Arrête l'opéra du Rhin. L'opéra du Rhin, ça va, c'est pas le truc le plus prout du monde, tu vois. Ouais. En fait, c'est marrant, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui vont un peu fringuer. Il y a d'autres gens qui vont quasiment comme le Racing, je pense. Est-ce qu'il y a des mecs qui vont comme le Racing? Pas trop. J'ai jamais vu. Avec la veste de costume, ça passe. Mais souvent, il y a sûrement des mecs du Racing qui vont. Non, il y a des mecs qui font ça, le genre t-shirt sous une veste de costume, tu vois, faussement chic là. Mais donc, l'économie du Racing, c'est pas terrible. L'économie du foot, c'est encore pire. C'est ça. Mais il y a un vrai. Enfin, là, tout le monde. Ferme les yeux là-dessus, mais il y a un vrai point d'interrogation. Il y a plein de dossiers qui sont suspendus. Bordeaux en est un. Il y avait le président de Brest qui était interviewé dans l'équipe, qui par ailleurs est un mec assez rationnel là, qui a fait fortune dans le négoce de légumes, qui disait ouais, moi je sais pas trop si je vais remettre du pognon pour l'année prochaine, parce que là on fait une bonne saison, mais les enfants, je sais pas trop ce valeur. On parle du stade, de foutre du fric dans le stade pour la Ligue des Champions. Moi j'ai surtout attendre de voir si j'ai du pognon l'année prochaine. Hein. Brest refait un stade d'ailleurs. Hein. Ouais. Enfin, ils auront justement, le projet pour l'instant est en stand. Il y a des beaux dessins, il y a des beaux visuels. Non, c'est un peu plus loin, mais là, le permis est en. Oui, mais pour l'instant. Et Montpellier a abandonné son nouveau projet de stade, hein. C'est bien ça. C'est toujours dans les cartons, mais oui, c'est un peu compliqué. Voilà, Montpellier, beaucoup de cartes. Et puis du coup, il n'y a plus aucun rachat de club qui se fait, parce que là, maintenant, les gens ont quand même compris l'entourloupe. Donc, ouais, non, je suis très curieux de savoir. Alors, il y a toujours une possibilité que notre ami Labrune s'en sorte par une quadruple entourloupe. À part un suicide collectif, je vois pas trop... Non, mais par entre gens politiques, le Qatar qui effectivement dit, bon, ok, allez... Oui, mais ce sera une sortie au rabais, ça va pas régler le problème. Ah oui, mais en fait, là où il va être, à mon avis, très bon pour vendre le truc, c'est que comme il sera allé tellement au bord du gouffre et tout, oui, il sera dit, c'est tellement la merde, mais... quand il va arriver en disant, bon, c'est jaune devant, mais pas brun derrière... Les gens vont dire, ouais, bon, c'est pas si mal, hein. Un peu de détachant et on arrive à le récupérer, tu vois. Enfin, c'est pas comme si on avait le choix en plus. Ouais. Inversement, si ça foire et que c'est vraiment la merde, le foot français et que, mettons, le Qatar ne marche pas, le foot français devra aller voir la seule personne qui peut à peu près le sauver, donc il va devoir retourner chez maman, c'est-à-dire Canal+. Et la Canal+, à mon avis, va réclamer la tête de la Brune sur un bio. Et donc, il faudrait un gars qui soit bien dans les instances, qui connaisse Canal+, parce qu'il y a bossé. Écoutez, Vincent. Qui nous décrit qui, là? J'arrive pas à voir. Qui serait un peu, tu sais, du côté des anciens, le canal historique, mais qui, en même temps, serait aussi un peu du côté des multipropriétaires, la nouveauté. Qui aurait pas un passé de sportif de niveau. Qui était consultant sur Canal+. Qui était consultant sur Canal+. Je vois pas. Ce que vous voulez dire, c'est que Pierre Ménès va avoir son livre. Non, mais tu vois, ça fait partie des possibilités, quoi. C'est-à-dire que, Écoutez Vincent. Vincent. Alors, on va enchaîner parce qu'on a quand même pas mal de jeux. C'était hyper intéressant comme d'habitude. Ouais. Franchement, l'apocalypse, on l'attend depuis le temps qu'on l'annonce. On va finir avec Shifty Game en Ligue 1, quoi. Hein. c'est pas terrible, Shifty Game. C'est les pires au moment. D'ailleurs, c'est encore pire. Alors, on avait un point réserve. Là, on va plutôt faire un cours magistral. Il n'y a pas le désamour. Bon, je vais le faire tout de suite, le désamour. Bah, vous êtes lancé dans le négatif. Un seul désamour est pour tout le monde. Allez, la liquidation de la réserve. J'ai des questions. C'est une question de Mitch Tornado. C'est pas une question, c'est un roman même. Oh. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une réelle baisse du nombre d'abonnés la saison prochaine? Avec les travaux à la Méno, on s'en fout. On parle des baisses d'abonnés, on s'en fout. Non, il parle de sa vie. Je vous pose la question sur il parle de sa vie intime avec Roberto Carlos. J'ai opté pour le wait and see, la plateforme de revente, et donc à ne pas perdre d'argent pour ne pas être présent. Aujourd'hui, on est à la fin de saison. Je n'ai vu qu'un seul match avec mon acolyte RC Carlos 67, qu'on salue, qui venait aussi à la Fédé souvent, je crois. Oh, ça m'aime bien. Les programmations loufoques, je m'en dis pas plus. Les décalages de 2-3 semaines avant n'aidant pas. Racing Metz dimanche à 21h. Belle connerie. La question du abonnement à la saison prochaine devient de plus en plus sérieuse. Ne nous semble pas être la seule question à se poser. Et j'ai une autre question qui dit encore, qui c'est qui dit Val de Strasse, c'est intéressant. Il dit, le bon supporter souhaite-t-il des bons ou des mauvais résultats pour le Racing et sa décision actuelle? Être heureux après une victoire du Racing de Bouco, péché ou ça s'arrête? Je peux compléter, ça va faire le débat avec un message de l'excellent Mathéo qu'on salue, qui est très très bon en ce moment, comme toujours. Je cite plusieurs. C'est un peu le Natacha Polony du foot. Bon, je cite Natacha, je cite quelques phrases. Natacho. Natachéo. Bon, alors, je cite quelques phrases, c'était dans le topic d'après-match de Lille. J'ai le courage pour le lire celui-là. Bah parce que j'ai pas vu le match, donc je voulais essayer de voir quelque chose. Il dit. T'avais tapé Natacha Polony. On en parlera après. Donc je cite. On dirait bien que le vrai changement de dimension, c'est la réduction de dimension de la passion autour du club. Ensuite, un peu plus loin, je me rends compte que cette équipe et ses joueurs ne m'intéressent pas et j'en suis le premier attristé. Et enfin, c'était où l'opération d'écrémage du support intérieur historique est en marche. Et il complète, j'avoue que si on se tape le même type d'équipe l'an prochain, je serai obligé de reconsidérer largement mon rapport à ce club. Et intégrer les clubs de Philatélie et de... Oui, après, voilà, il y a quelques petits compléments comme ça. De Filzer-Latélie. De Filzer-Latélie. Alors oui, je l'ai dit, vu tous les postillons qu'il fait pour coller des timbres, c'est pas mal. Alors, des amours, est-ce que c'est un truc vieux? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent? C'est un vrai phénomène? Est-ce qu'il y a des gens qui te disent, moi, j'étais à la vélo, c'était super cool ce week-end? Non, après, il y a un phénomène qui, je pense, est légèrement voisin, c'est ce côté, genre, t'as des marchés comme ça qui deviennent saturés et où, du coup, la rareté fait vraiment l'intérêt, quelque part. C'est-à-dire que, finalement, un public, c'est comme un oignon, quoi. Il y a le noyau, les gens qui viennent de toute façon parce que c'est leur pote, ils ont rien d'autre à foutre le week-end et tout ça. Et puis après, on s'est concentré. Et cette histoire de plateforme de revente est intéressante parce que finalement, à partir du moment où c'est sold out et où il y a peu de place sur la plateforme de revente et que tout tu peux revendre très facilement, ce qui était le cas il y a encore un an et demi, ouais, bah oui, bah en fait, la question de reprendre un abonnement se pose pas. Ce qui, du coup, c'est un phénomène qui s'auto-nourrit. Les gens continuent à s'abonner. Même si en vrai, au fond, ils n'ont pas super envie de s'abonner parce qu'ils savent qu'ils peuvent revendre facilement. Ils ne pourraient pas reprendre d'abonnement pour voir les matchs. C'est ça. J'opterais plus pour ça, moi. Donc, et tu as des effets comme ça là, qui peuvent très vite se retourner. Si au contraire, la place, comme en ce moment, là, tu as. Commence à être saturé. Là, si t'as des centaines de. Bah, en fait, tu fous ta place. Moi, j'ai, par exemple, ce week-end de Pâques, j'y étais pas. J'ai mis ma place sur la plateforme de revente, j'ai pas trouvé. Il n'y a personne. Et ça m'est déjà arrivé deux ou trois fois, alors qu'avant, ça arrivait jamais. Ouais. Mais de manière générale, pour les supporters noyaux au premier rang d'oignon, c'était. La question, c'est de se dire, est-ce que le phénomène là, que décrit Matteo, que décrit Mitch Tornado. Mitch Tornado, et Van de Strasse. Est-ce que c'est quelque chose de réel ou c'est. Alors en fait, je pense que. Ou c'est quelques personnes. Je pense que c'est quelques personnes qui témoignent d'un phénomène beaucoup plus lancinant et diffus. Mm. Et c'est ça, je pense, qui vraiment pèse, c'est que. Le Racing, en fait, c'est pas un truc. Les gens ont ça chevillé au corps, mais ça nécessite un engagement fort. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moment que toutes les planètes soient alignées pour que vraiment tu aies ce côté, genre, tous les Alsaciens bourrins derrière leur équipe. La quintessence de ça, c'était Lille, quoi. Tout le monde qui va à Lille, là, sur l'autoroute avec ses écharpes, ses trucs, il y avait ce côté, genre, fierté, identification, tout était aligné. À partir du moment où il y a un truc qui est désaligné, ça commence à devenir un peu plus. On est quand même passé d'un Racing qui était déjà lassant fin des années 90. Ouais, 2000. 2000, voilà. Et genre, il y a eu cet état de mort clinique où on a réanimé le Racing, François Keller, Frédéric Citerlé. On réanimait le Racing. Au début. Au début, ça a été un petit peu difficile, mais au fur et à mesure, on a gagné des gens, les gens sont venus, et puis plus on montait, tout le monde a réaccompagné la montée du Racing avec son niveau de départ, hein, forcément. C'est un petit peu juin 44. Et on est arrivé à un moment où, voilà, on est monté, puis à un moment là, on a stagné, voire même on est redescendu, forcément, il n'y a plus le même enjeu. Puis voir une sixième fois un match nul contre Toulouse. Moi, je vois pas dit ça. Moi, non, c'est plus, c'est pas vraiment ça, mais c'est plus le côté. On était à chaque fois le petit poussé, tu vois, le petit club. On était amateur, on est remonté. Quand on était en Ligue 2, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens, mais on y arrivait quand même. On est monté en Ligue 1, on n'avait pas beaucoup de moyens, on a réussi à se sauver, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, maintenant, on est passé quand même dans une dimension de multinationale avec du pèse. Et je pense que les gens, ils se disent, ouais, bon, c'est un peu comme, pour eux, c'est un peu comme le PSG. On est détenu par un des mecs qui ont des ronds. Et donc du coup, ouais, c'est plus le même. Tu vois, une fois que l'actionnariat est quand même un petit peu différent, je pense que les gens, ils disent, ouais, c'est plus quand même, ouais, bah, c'est le Racing, ouais, j'y vais pas là. L'année prochaine, ils seront là, et dans 10 ans, ils seront encore là, et il y aura encore d'autres matchs. Et alors qu'avant, on jouait notre vie et notre mort quasiment toutes les saisons, c'était un peu compliqué, quoi. Sachant que normalement, avec ce côté mini PSG, comme ça nous a été vendu au début de saison, je pense qu'on se rappelait quand même un petit peu le traitement médiatique national du Racing. On était passé dans la cour des grands en une signature de Marc Keller en bas d'un contrat avec le plus, on a claqué le plus de quasiment le plus de pognon là où les autres clubs étaient un peu cette année mijaurés. On a claqué beaucoup de pognon. On était sur tout le monde, sur tout. Et en fait, derrière la montagne, il y a accouché d'une souris. Il y a de ça. Après, quand tu veux tout ce qu'on a vendu, on n'a pas claqué tant de pognon que ça en fait. Oui, si tu fais la différence, au final, mais si tu rajoutes Silla qui est payé en deux fois a priori. Non c'était pas le plan marketing début, c'est Strasbourg a des moyens, Strasbourg peut se positionner sur n'importe quel joueur, Strasbourg vise haut, Strasbourg a gardé en plus Marc Keller, tout était aligné et en fait finalement maintenant et trois mois après on dit non mais en fait le but c'était de faire le maintien. Qui se monte tôt. Mais après, pour revenir au débat, je pense aussi, ça renvoie aussi aux raisons du pourquoi on vient au stade. Je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils partagent un moment en famille, parce qu'ils partagent un moment avec des potes. Ça, ouais. Et je pense qu'il y en a pas mal qui ne s'identifient pas au projet, à l'équipe, mais qui vont continuer à venir parce que c'est un moment entre potes. Tout ce qui est annexe au football. Voilà. Ouais. Tout ce qui est annexe aux 90 minutes sur le terrain. Mais justement, c'est ça qui est assez intéressant. Tu dis moment entre potes. Et effectivement, je pense que dans le Racing était devenu un vecteur de socialisation parce que justement, ça drainait beaucoup de monde. Et en fait, quand tu avais ta bande de potes, il y a 4-5 ans pour des gens qui sont peut-être un tout petit peu moins impliqués que nous. Mais en fait, vu que le Racing, c'était le truc qui était en vogue et où c'était compliqué d'avoir des places, tu proposais d'y aller. Bah, en fait, tes 5 ou 6 potes, ils étaient tous au cœur. Et là, maintenant, ça doit... bah, t'en as peut-être 4 sur les 6, et bientôt, t'en as 3 sur les 6. Mon collègue de travail qui me dit, mardi de Pâques, parce qu'on a mis en frais, qui me dit, c'est cool, le Racing a gagné, le match était sympa, en plus, on l'a dit et tout. Il me dit, bah oui, j'étais au repas de famille, mon cousin allait au match, sur ses 5 potes, aucun ne venait. Dans la bande de potes, donc il avait l'abonnement de tout le monde. Du coup, lui, entre le dessert et le digestif, il s'est fait embarquer avec nous. Il était très content d'y aller parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir des places. Mais ce truc ne serait jamais arrivé. On a déjà joué Metz des. Dimanche de Pâques. Dimanche. Ouais, le but de Seca. Non, mais effectivement, il y a pas mal d'arbitrages qui se font. Est-ce que je vais voir la famille, ou voir du vélo, ou voir je sais pas quoi, ou voir le Racing, la réserve. Et le Racing n'apparaît plus en tête de liste automatiquement. Et ça, c'est ce que dépeignent un peu les stubistes qui ont témoigné. Et c'est plus lancinant que radical, quoi, pour en revenir. Ça commence. Non, mais c'est toute la saison, c'est un cheminement de toute la saison. Ouais. Mais c'est le niveau de jeu aussi, hein, il y a de ça. Du fait du spectacle, ou de la... C'est pas une coupure ou une rupture avec entre le public et l'équipe, mais c'est vraiment un... Mais pour répondre à la question du Stubist, est-ce qu'il y aura moins d'abonnés l'année prochaine? C'était une des premières questions. Oui. Moi, je pense que non. Mais donc l'année prochaine, les travaux auront bien commencé. Mmh. Il y aura des impacts dans les tribunes dès la saison prochaine. Il y aura moins de place que maintenant, le temps des travaux. Et du coup, c'est bien pour ça que depuis 2 ans, on ne vend que 20 000 abonnements. Enfin, on se cache. Il y aura 19 000 en voilà. Capacité. Donc, je pense que malgré tout, les 19 000 trouveront preneur l'année prochaine. Bah, les gens mais avec une plateforme de revente bien achalandée à tous les matchs. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Ouais, c'est une théorie qui est probable. Mitch Tornado, parce qu'il habite près de Genève, enfin, il se dit, je l'ai depuis plusieurs années, mais régulièrement, je faisais l'aller-retour ou quoi, où j'étais motivé... cette année, je suis moins enclin à faire ce trajet parce que le spectacle est pitoyable. Tout le monde le voit sur ses voisins de tribune. Il y a des matchs où, en étant assis, il n'y avait personne autour de moi. Bah, le constat est flagrant au niveau des voisins de tribune. On voit les gens à la moindre opportunité sirène du Rhin qui c'est quoi, c'est la Loreley, non, c'est ça, c'est oui, pas ouais. qui siffle un petit peu à côté, genre un anniversaire, partir au ski ou un truc un peu trop lointain, les gens ne viennent plus alors qu'il y a quelques années c'était impensable. Les gens avaient, ouais, il y avait un truc. Aujourd'hui on est un peu ronron, et puis franchement en plus on se fait chier au stade, hein. Même dans les déplacements, j'ai pas fait beaucoup de déplacements, mais à Lyon on était avec Hathor en coupe fin février, mais dans le parcage qui était quand même assez bien garni pour un mardi ou mercredi, il y avait très peu de têtes connues. Et j'ai eu l'impression de connaître personne. Bah, les ultras n'ont pas fait de bus, hein, c'est J9. Ouais, et c'était peut-être beaucoup de monde qui était expatrié à Lyon ou pour les études ou je sais pas. Et il y a encore peut-être des gens qui n'ont pas ce sentiment de rupture ou de déchirement ou quoi. Les expatriés sont moins concernés parce qu'eux, ils ont un lien différent. Oui. Ouais, mais quand le Racing vient à eux, ils y vont ou quoi, mais après, ils voient pas la différence. Ils étaient pas contre Brest. Ils ont pas vu les ultras qui se barrent, ou ils ont pas vu les matchs de merde contre Montpellier, contre Nantes, contre Lens, contre X, contre Y. Ils ont pas vu tout ça. Et ils ont pas lu les DNA où Claire te raconte de la merde. Sébastien ou Marc? Ouais, les deux, en se complétant régulièrement. Donc ils ont pas tout l'historique. Donc pour eux, rien n'a changé. Bah, je suis pas sûr, parce que tu vois, même tes expatriés, si on prend l'exemple du gars qui habite à Genève ou moi j'en connais un autre à La Haye, tu vois, à l'époque, il y a quelques années, les gars ils étaient au taquet, ils étaient à se taper les 500 bandes pour aller au Racing, c'était, pour eux c'était même pas une question. Ah, mais je le faisais aussi. Et ça c'était, oui, c'est ça. Et c'était la. Eux, t'as notamment battu le record du Dol Strasbourg. En 2 heures. Il y avait du Propergol dans la C3. Le gars nous envoyait à chaque péage où il était. C'était là, genre, c'est, comment est-ce que c'est physiquement possible, tu vois. C'est à côté Jacques Milik, c'était un petit joueur, tu vois. Bref, la prescription. Mais donc voilà, donc ouais, et là, ouais, bah en fait, oui, bon, en fait, en vrai, c'est un peu con de faire 500 bornes pour aller voir 2 heures de foot des Emmanuel et Menga en plus, tu vois. Donc, Voir 2 heures de foot, oui, pour voir le Racing de l'époque, non? Ouais, bah non, mais parce qu'il se passait quelque chose, quoi. Et parce qu'en fait, t'avais. En fait, il faut prendre le truc en sens inverse. Quel est le coup de ne pas y être? Aujourd'hui, le coup, c'est genre de ne pas aller boire 3-4 bières parce que tu n'as pas envie de regarder le match. C'est ça. C'est... Alors que il y a quelques années, tu pouvais encore te dire « Ah, il va y avoir Lienard qui va faire un truc complètement flingué » ou... c'est clair, clair. Alors, est-ce que... Mais là, après, on a un choix crucial. Ça reste quand même... Enfin, mine de rien, même si on peut penser le contraire, ça dépend beaucoup des résultats aussi. Ah oui, parce qu'on parle... Ouais, mais tu vois, on parle... Enfin, on parle de la multipropriété. Mais voilà, mais on parle de la multipropriété, etc. Moi, je reste persuadé que si le Racing était deuxième au coude à coude avec Monaco pour être derrière le PSG... Avec Brest, tu dis. Avec Brest, le stade serait blindé, tu vois. Et on parlerait plus de la multipropriété, de Blueco, de... Et sauf les quelques connards. Je suis pas si sûr. Ah, moi je pense. Parce que finalement, on fait pas une saison. Parce que regarde, contre Lille, moi j'ai 3 décembre, je crois que c'est revenu au niveau de l'ambiance. Alors que ça faisait quoi, 2 ou 3 victoires de suite. Enfin, c'était pas non plus le truc ouf. Hein. Et il y a quand même quelque chose qui est revenu. Tu trouves? Bah, bref, moi j'ai le match à la maison, l'ambiance était particulièrement bonne. Oui. Le scénario, c'était sûrement la meilleure de la saison. Oui. Ah, ouais, oui. Comme quoi, il suffit pas grand-chose. Mais c'est ça, tu c'est mets ça. 3 buts à la méno, et les gens... C'est le premier de nos limites de la saison. Des trucs comme ça, ouais. Ouais, non, mais voilà. Alors que c'est la première fois qu'on met 3 buts. Tu gagnes 3-1, tu as une équipe en face qui est quand même pas extraordinaire, avec des faits de jeu qui nous arrangent. Et les gens, en fait, c'est... Il suffit de pas grand-chose pour que ça redémarre. Bah, tout le monde a envie que ça redémarre. Mais, les ingrédients, faut pas... À part à tort. Mais je pense qu'il y a... En fait, il y a une rupture qui n'est pas une rupture violente et immédiate parce qu'on n'est pas une région de radicalité, mais qui, sur le fond, il y a quand même quelque chose de désaligné. Je ne suis pas totalement sûr que dans le stade, il y ait tant de gens que ça qui viennent consommer une équipe qui gagne des matchs. Et finalement, des saisons de ce tonneau-là où on va finir, je ne sais pas, 11e, 12e, 13e, on en a fait quand même pas mal sous l'oreille. Et moi, je sentais plus de passion à cette époque. Mais parce qu'on sentait que c'était un résultat arraché, en fait, supérieur. Ouais, et parce que... C'était englobé dans un projet. C'était englobé on dans, un... remonter, ouais, dans une trajectoire. On venait de remonter de Céron. On venait de CFA 2, de CFA, de National, de Ligue 2. Mais la première année, on se met ensemble. Les 11e, on surperforme. Mais t'as la personnalité des joueurs aussi, ça aide. Quand t'avais des Blayac, des Gonsalves, des CK, tu t'identifiais plus facilement que des joueurs, des jeunes qui... Bah, t'as Emega qui est un peu l'exemple, l'archétype de ce genre de joueur. Qui parlait l'autre fois avec je sais plus qui pendant la célébration avec les joueurs contre Reims, là, je sais pas si vous l'avez vu. Avec Nzingula, je crois. Oui, enfin, ils discutaient. Il était un peu concerné. Quoi. Ce genre de joueur, le public, je suis pas sûr qu'il va s'identifier à lui parce que tu te dis, le mec, il fait une bonne saison, on va prendre Emega, mais une saison à 12 ou 15 buts. T'es certain qu'il part. Il part à Bastia. Voilà, c'est ça. Emega, partir à Bastia, mais il fera pas long feu. Mais oui, en fait, tu peux pas t'identifier à des joueurs comme ça, tu les sens pas proches de toi. T'as vraiment cette coupure qui se fait aussi avec les joueurs. Je reste persuadé qu'Emega, il met 3 buts. Non, mais je dis Emega, mais peu importe. Mais Emega, un bon exemple, il met 3 buts contre Nice, il se fait ovationner en sortant et tout le monde va oublier. Et puis dans les titres, sur le lendemain, Emega a compris. Non, mais identification sur la durée. Oui. Un Blayac, la saison de Ligue 1, sa dernière saison au club, je crois qu'il met 2 ou 3 buts dans la saison. Voilà, c'est au niveau des performances, c'était pas bon. Pourtant, il était toujours adulé. Enfin, il y a des gens qui réclamaient un corps écrit de Blayac alors qu'il n'est pas le niveau, quoi, objectivement. Mais parce que c'est un autre. T'avais cette proximité avec les joueurs, même proximité pas forcément réelle. Hein, il allait passer. Mais le calcul, c'est que cette proximité se crée dans la saison prochaine, voire celle d'après, ou qu'on garde, etc. Ces joueurs-là, qu'on fasse un noyau dur. Mais effectivement, personne n'y croit. Enfin, oui, moi, j'y crois pas, mais peut-être que quelqu'un y croit. C'est le projet avec un grand Mais après, la réalité, c'est qu'un Blayac, un Lienard, un CK, ils arrivent aussi en national, ils arrivent dans un monde amateur où il y a beaucoup moins de monde. Mais non, mais l'idée, où c'est les que joueurs en jouant à Épinal. Ils arrachent le maintien, puis ils vont jouer la Coupe d'Europe, puis ils vont se battre. Bon, faut pas confondre. Là, on parle d'autres joueurs qui étaient des joueurs, on va dire, de club. Oui. Ils sont là pour faire des contrats de 2, 3, 4 ans. Qui se donnent au maximum, qui sont des, on va dire, qui bourlinent dans la ligue et qui savent comment ça marche. Là, on parle que le projet actuel n'a rien à voir. Le but, c'est selon Marc Keller, dans 2-3 ans, avec la même ossature, on vise le top 8, mais etc. Alors du coup, sans aller jusqu'à Blayac, Gonsalves, effectivement, qui ont pu dire qu'ils sont identifiés parce qu'il y a du national, mais un Ajor qui est venu en Ligue 1, un Thomasson est venu en Ligue 1, un Sels est venu en Ligue 1, Pourtant, c'est des joueurs qui restent des joueurs formatés pro, mais les gens sont attachés à eux. Ouais, mais c'est des joueurs de club, c'est pas des joueurs en développement. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ça fait aussi la question. On ne verrait pas que Mwanga, ils veulent être attachés au club ou pas. Mwanga, on va limite payer sur voir pour voir si on reprend notre abonnement. Est-ce que dans deux saisons, parce que genre, donc pas la saison prochaine, la saison d'après, est-ce que Bakwa, Mwanga, Odega sont là? Ou est-ce que vraiment on les aura revendus, repassés? Mais ça, c'est la grande mystification de Keller. En fait, on ne sait pas. Keller dit oui. On ne réfléchissait pas pendant deux ans, et dans deux ans, on fait le point, et entre-temps, La réponse, elle est extrêmement simple. Si les mecs se révèlent et surperforment, ils seront vendus. Bakwa est déjà pas loin de la frontière. J'allais dire que le cas Bakwa allait être intéressant cet été. C'est cet été, voilà. Il a livré la marchandise par rapport à ce qu'on a payé et au prix qu'on a payé. Vraisemblablement, tu peux faire déjà une plus-value cet été. Je suis sûr qu'il restera pas. Oui. C'est pas possible. Tu peux pas t'identifier un mec comme ça. Tu peux t'identifier s'il performe et que tu es sûr qu'il reste la saison d'après, voire la saison suivante. Là, tu peux te dire, oui, c'est notre star, les enfants ont le poster dans la chambre. Si tu le vends cet été. Enfin, et Méga, je suis pas sûr qu'il partira cet été. Les projets à 3-4 ans, oui, c'est 3-4 ans. Si le mec il tarde à se développer, si le mec est précoce dans son développement, il sera vendu. C'est un fonds d'investissement, mais on va rentrer du cash. Jusqu'ici, tous les joueurs qui étaient vendables ont été vendus. À l'exception de Amid Diarra, oui. Ouais. Je crois que c'est le seul. Il a été noté comme étant une des pépites. Il y a une offre pour Ducouré. Je ne suis pas sûr. Les gens, ils ne sont pas complètement aveugles. On peut le mettre dessus. Et pour les deux, juste. Et après, on se dit, il faut peut-être mieux vendre les joueurs. Coupe un petit peu. Je sens beaucoup de passion. Il va falloir qu'on fasse un choix entre le quiz et la réserve, je crois. Les deux. On est déjà à. Ouais, le quiz. La réserve, c'est la merde, on va descendre, c'est bon. Alors, est-ce qu'on refait un peu réserve en fin de saison? Est-ce que tu peux faire un truc résumé? Ce sera la même chose. Alors, l'esprit de synthèse. C'est la merde. La réserve va descendre. A priori, la dernière fois, on avait parlé d'une éventuelle dissolution de la réserve pour faire jouer que les groupes élites en match amical. J'ai décidé de dissoudre. Alors, après, renseignement auprès de François Keller, la réserve existera en R1. Il y aura toujours un groupe élite qui fera des matchs amicaux, voire le fameux championnat de U23 fait par la FFF et qui reste en fait des matchs amicaux organisés entre centres de formation. Le championnat des U23, c'est la Ligue. À Strasbourg. On comprend pas tout, merde. On est perdu. Pour résumer, la réserve va descendre, c'est la merde. La descente peut être officialisée dès ce week-end. Ouais. Quand le Racing peut se maintenir. Ouais, ce serait beau hein, qu'on règle tout. Du coup, la réserve des Racing jouera en R1 l'an prochain. Il n'y aura pas de championnat des réserves. Enfin, ça sera un championnat, mais finalement, c'est des matchs amicaux organisés dans un format championnat. Est-ce qu'on va y participer, ça? Non. Ça, je ne sais pas encore, mais ça peut. En fait, c'est juste pour éviter au Racing d'aller chercher des matchs amicaux contre Chelsea, contre Monaco, contre Nice. C'est juste que maintenant, tous les clubs qui sont volontaires pourront avoir une espèce de groupe élite. Ok. Faire jouer les remplaçants des qui ne jouent pas en réserve. Mais en milieu de semaine, du coup. Oui, c'est ça. Ouais, bah oui. C'est un peu l'objectif. On pourra faire jouer. Aoulou pourra jouer, par exemple. C'est des matchs amicaux. Donc, non. Et encore plus rapidement, les 8. J'ai une question, les suspensions. Pour Dreyer, par exemple, s'il joue en match amical et qu'il sèche l'attaquant. Du groupe élite 3. Ça dépend comment c'est qualifié. Si c'est dangereux, il peut même prendre une suspension. Oui, ça dépend. Si il y a un arbitre officiel, ça peut. C'était le seul match de Dreyer pour l'instant. Oui. Il a joué même pas 30 minutes. Je l'ai vu et il était magistral. Ça, tu pourras lire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Tu vois, c'est un peu comme le OM Forbach dans les années 80 où ils étaient 16 000, alors en fait, ils étaient 3 000. Et c'est comme les 8 minutes de Romilo. Et l'attaquant de 3, c'est Fracture. Ah ouais, Fracture. Ouais. Ah merde. Putain, le pauvre en plus. J'espère qu'il y a eu des remords d'ailleurs le soir en prenant sa douche. Avec la fable de l'attaquant. Et donc, encore plus rapidement avant le quiz, les U19, ils sont 3e à 2 points du 2e. En fait, Et du coup, les U19, c'est les U16. Vu que U19. En fait, en championnat U19, il reste deux journées de championnat. Les deux premiers sont qualifiés pour les playoffs, quart de finale, demi-finale, finale, pour être champion de France U19. Le Racing est 3e à 2 points du 2e, qui est Lyon. Et ce dimanche, le 28, Il y a Lyon Racing. Voilà. Et on est très bon en féminine aussi. Oui, ah mais attends, je peux, quand les 17 rapidement, on peut parler des féminines. C'est pareil, c'est le même niveau. Donc. Oh non. Non, parce c'est que beaucoup plus fort. Hein. Parce que les U17 sont premiers. Bah, les féminines aussi. Les U17 sont premiers avec 3 points d'avance sur le deuxième. Alors en U17, c'est le premier qui se qualifie. Il y a 6 groupes. Le premier se qualifie, plus les 2 meilleurs deuxièmes. Le Racing est premier avec 3 points d'avance et il joue encore 2 matchs contre les 2 derniers du classement. Pour les play-in. Pour les play-offs. Donc ils vont finir deuxième, mais quart de finale, demi-finale, finale. Effectivement, les féminines enchaînent les victoires et sont en lice pour la montée. 4 points d'avance sur le troisième. Mais elles ont gagné à Metz. Mais oui. Du coup, grâce à la programmation, on va chier. On peut même pas, y aller. On peut jamais y aller. Non, le prochain match, c'est elle joue à 13h et le match est à 15h. Ouais, mais c'est compliqué. Ou alors on peut rater le match de la une. Ou alors, non, mais toi, il faut quand même aller écouter les conneries d'Eric Cantona à la Fédé. Tu vois, voilà, le quiz. Parce qu'on tient nos promesses et on tient aussi notre timing. Oui, j'ai peur. Est-ce qu'il reste de la bière pour le quiz? Oui. Il reste un peu de la météore ou de du cidre. Ou de la bonne avant, je tiens. La Mont Blanc. Je sais pas, j'arrive pas à parler. En haut des pistes. Je prends du cidre. Ah, je savais qu'à toi, j'en ai pris aussi. C'est pour le prochain match contre le Havre. Il va falloir trouver. Donc le quiz, il va falloir trouver. Cache un peu ta feuille. Oui, mais j'essaye. Alors, les joueurs qui ont mis au minimum 3 buts en compétition officielle depuis au 21e siècle, mais depuis la saison 2000-2001. Oh là là là là. Alors, non, c'est pas le 21e siècle alors. Putain. Oui, c'est pas le 21e siècle. Une grande partie. Au moins 3 buts par match ou 3 buts en tout? Non, 3 buts en tout. Il y en a combien? Par saison. Ah, mais il y en a 150. Il y a 82 noms. Oh là là. 82 noms. Tu remplaces le premier. Voilà, le premier qui donne 6 bonnes réponses. Comme la voilà, fois. C'est le 100 mètres, voilà. En cas d'égalité sur un même tour, eh ben, ça se joue à la photo finish. Hein. Et sinon, voilà. C'est l'américain qui gagne. Et sinon, c'est l'américain qui gagne. Et on commence avec Kittle. Donc tu as 82 noms. Donc à mon avis, les deux premiers tours vont aller assez vite. Uboya. Uboya. Bonne réponse. Julian. Blayak. Blayak. Bonne réponse aussi. Je continue. Diallo. Diallo, c'est une bonne réponse également. Kevin Gamero. Kevin Gamero, c'est une bonne réponse. C'est quand la première saison où il a mis au minimum 3 buts? C'est la première. C'est la première. 2005-2006, ouais. Mais ça vaut pas de temps en plus. Mamadou Niang. Mamadou Niang, très bonne réponse. Que niveau hein. Stéphane Noro. Un point. Stéphane Noro, très très bonne réponse également. Stéphane Leroy, oui, c'est. Ok, Liénard. Liénard, c'est une bonne réponse également. C'est du boulot. Non, mais c'est clair que là, tu dépenses un nombre de calories à déplier sa fille. Ça va durer 30 minutes. À Jork. À Jork, c'est une bonne réponse. On vient d'en parler. On vient d'en parler. David Lady. David Lady, c'est une bonne réponse, évidemment. Emmanuel Emega. Emmanuel Emega, très très bonne réponse, évidemment. Toujours un point au bout de deux tours, tout le monde a deux points. Kittle, la phase de trois. Aliazouz Matuti. Aliazouz Matuti, c'est une excellente réponse. Quelle année? Quelle saison? 2010-2011, ouais, bien sûr. Thomasson. Thomasson, t'es sûr? Ouais. Bonne réponse. Stress. Perrin, Julien. J'allais te demander lequel. Très bonne réponse, évidemment. Eric Moulungi. Eric Moulungi. Très bonne réponse, également. Je vais tenter un truc, hein. Je vais dire Baptiste Guillaume. Très bonne réponse. 10 buts, hein, lors de la saison 2017. Hein. J'avais peur, je me rappelais plus trop. Le Pen. Le Pen. Enfin, lequel? Bauken. Bauken, ah oui, excellent, bon, excellente réponse, hein, Stéphane Bauken. Encore un joueur qu'on aurait dû garder. Hein. Il frappe sa femme, il est en Turquie, non? Bauken. Pagis. Pas juste. Excellente réponse, évidemment. Wesen Ranteria. Wesen Ranteria, c'est excellent. Issan Sako. Le joueur préféré de Ragma, ça vaut 2 points. Là, t'avais posé tes couilles sur le milieu, là, parce que 3 buts d'Issan Sako. On est à 5, tout le monde, alors. Boutaïb. Boutaïb, évidemment, ok. Trop facile ce quiz. Hein. Bah oui. C'est trop facile. Putain, je cherche son nom. Ah, mais si. Kenny Lala. Oui. Bien entendu, Kenny Lala. Hervé Toum. Hervé Toum, mais la glacière. Mais qui est la. Voilà. Oui, la glacière compte pas pour un but. Hein, mais... Amara Diané. Amara Diané. C'est une très bonne réponse, hein, bien entendu. On est donc pas la saison 2000-2001, c'est ça? Si, si, la saison 2000-2001 là-dedans. Genre, c'est laquelle? On descend. On descend. C'est quel but? Celui qui est en retard. Alors, j'ai tenté Peggy Louindoula. Bah oui. Peggy Louindoula, mais oui, évidemment. La rien que sur son début de saison. Bah, 2001-2002, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que j'étais plus sûr de. Pour moi, tout le monde a si bonne réponse. Hein, pas très drôle. C'est un peu bête. C'est trop fort. Pierre Laurent. Pierre Laurent. Oh Pierre Laurent. C'est 3 buts tout juste. 3 buts tout juste, 2002-2003. Très très bien. Non, c'est le communiste ou le joueur du Racing? Nuno da Costa. Nuno da Costa. Ah, très bonne réponse, hein, évidemment. Yacine Abdesaki. Ah, Yacine Abdesaki. Vous allez sortir. Yacine Abdesaki est dedans. Donc, du coup, associé Pascal Johansen. Pascal Johansen. Qu'est-ce qu'il cherche? Pascal Johansen. Oh, si. Pascal Johansen, une seule saison hein, quand même, 2000-2001. Bah non. Il marque pas tant de buts que ça. Il en mettait des beaux là, celui à Metz où il. Non, t'as vu, en 2004-2005, il est là. Non, mais il marque pas. C'est pas 3 buts. Ah, tu vois les buts de Johansen en 2004. Ah, il faut avoir 3 buts dans une saison. Mais oui. Mais oui. Ah, dans une saison. Moi, je croyais que c'était 3 buts. Ah bon, non, mais sinon, il n'y a pas 82 joueurs. Sinon, il y a 240. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu peux citer tout l'effectif par les gardiens. 3 buts dans une saison. Ah oui. Oh, putain. Ils ont réussi à répondre tout juste. Ah, ça complexifie. Gigas. Alors là, j'ai envie de dire une connerie. Abakar Sila. Abakar Sila, comment on dit 3 buts. Kittel. Ah, bah. Motiba, il n'a pas. Motiba, ah oui, Motiba, bien sûr. Très très bonne réponse, c'est évidemment. Motiba, j'allais le dire. 7 pour Kittel. C'est le premier à 6. Pas 7, c'est là. Qui est-ce? Oh putain, ouais, on a eu qui là après qui a marqué des buts là dans ces saisons de merde là. Quelques-uns ont été cités hein, dans l'émission. Hein. Là, c'est toujours un peu rare. Évidemment, c'est toujours pareil. Trois buts en une saison. Minimum 3 buts en une saison. En plus avec la Coupe de France. Avec la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, hein, effectivement. La Coupe d'Europe. Ouais, c'est vrai. La Coupe d'Europe. Ah oui, Zoé. Zoé, oui. Ah, Zoé, là, dedans. Coupe, 2009-2020, tout. Match officiel. Ouais. Putain, j'étais loin. David Ledy. Déjà dit. Ah non. Oh non. Non, pas toi. Pas après tout ce que tu as fait. Pas sur David Ledy. Saïdou So. Mes premiers du nom. Lequel? Le Guinéen. Le Guinéen, c'est nous 7 buts hein, en CFA 2, ah, effectivement, très, très très bonne réponse. Bonne idée là. Saison de merde 2005-2006. Saison de merde, il y en a quelques-unes. Hein. Et du coup, Strotim est éliminé alors. Strotim est éliminé. Sur un nouveau nom. Je me retire. Ouais, on va essayer. Les gens écoutent. Je sèche, je suis... 5. Ah bah, tu Jean-Philippe Séché. On va pas dire l'éditeur de Metz. Mais... Et ben, en plus, on l'a déjà dit, hein. j'ai pensé à un gars, mais on l'a déjà dit. Non, franchement, je vais faire la route. Les gens écoutent. T'entends. Dernier. Un joueur de cette saison. Il n'y a pas 3 buts. La saison dernière, Sanson. Éliminé. Kittel. Alexandre Mendy. Alexandre Mendy, très bonne réponse. Julian. Gonçalves, très bonne réponse. Ah oui, bien sûr. Yann Bénédicte, très bonne réponse. Et le problème, c'est que moins il y en a, plus ça revient vite. Hein. Ouais. Kittel. Putain, lui, je le vois tout à fait. Je vois sa tête, mais je vois pas son nom. C'est bon, c'est bonne idée. C'est ce que disait ta prof au collège. Hein. Exactement. Et pourtant, elle avait pas mis 3 buts. Teddy Bertin, très bonne réponse. Teddy Bertin, il est dedans. Il n'y a plus de buteur de 2000-2001. Même ok, ouais, ça m'aide. Putain, comme ça m'aide. Maintenant, je voyais. Si, il y en a encore un, c'est pas vrai. Il est toujours. Il joue toujours en plus, c'est un attaquant de merde. De 2000-2001, il joue toujours. Attaquant de merde, Racing. Ouais, bon. Si, je le vois, putain, Amiens, tout ça. Il n'est plus. J'ai sa tête, mais faut pas que je pense à lui du coup. Du coup, on va penser à autre chose. Milieu de terrain, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, Bellegarde, peut-être il a marqué 3 buts. Bellegarde, c'est une saison. Très bonne réponse. Hein, Bellegarde. Bonne réponse. Si, je l'ai trouvé. Pour le prochain tour. C'est bon ? Ouais, vas-y, c'est. Je vois pas cocher. C'est bon ? Elle a une dis donc. Attends, Bellegarde. Bellegarde, mais que de buts cette année. Mais que de buts, Bellegarde. L'année dernière, hein. Il a pas mis de buts. Ah, je suis éliminé, je vérifie. Tu peux aller vérifier, hein, Bellegarde. Ouais. On laisse le match officiel. Bah, s'il est pas sur la liste, c'est fini. Non, il y a toi. Ah non, il y a. Ah, mais oui, mais c'est fini pour Rodin. Bah oui, malheureusement. C'est son dernier match. Allez, Alexander Farnerud. Alexander Farnerud, très bonne réponse. Mais du coup, tu peux nous dire à qui tu pensais, quand même. Attends, non, c'est pas si éliminé. Corentin Martins. Corentin Martin, c'est une très bonne réponse. Du coup, là, il nous faut une réponse. Ernest Seca. Ah, on a éliminé Roulian de Fils. Bonne réponse, on a éliminé Roulian de Fils. Non, Roulian, reviens. Baptiste Guillaume. Baptiste Guillaume, déjà dit. Si c'est pour lui, alors. C'est un joueur de merde, j'ai dit, des clubs de merde. Donc, effectivement, Bellegarde, il a jamais. Non, il était à deux buts. Christian Bacilla. Christian Bossard, ah, très bonne réponse. Bon, un match où il a marqué un doublé. Oui, mais le match qui a été annulé à Grenoble. Qui ouais, a, qui a interruption. Qui a été, il a non, non, il a marqué un doublé à la main. Bon. Elle est diguée en plus, hein, c'était encore à l'ancien. Ouais. Attends, toi. Anthony Siki. Anthony Siki, c'est une très bonne réponse. Oh là, la machine. Ah, la machine. Kittel. T'as des dos. Ah, et... j'en ai plus, là, j'ai pas. Très bien. Jadini. Gendini, oh, c'est une très bonne réponse. Gendini, oui, oui. Deuxième meilleur buteur. Hein, Sajid Persic. Attends. Ouais. Pascal Camadini. Pascal Camadini, t'es sûr de toi là ? Non, pas du tout. T'es sûr de toi là ? C'est ton dernier mot. Lobicor. Oh putain, j'en ai un. Mais... Vas-y. Non, mais Pascal Camadini. Vas-y, donne ton nom. Victor. Non, Pascal Camadini, je dis Pascal Camadini. J'assume. Non. Non. Pascal Camadini, non. Moi, je vois le but qu'il met à Montpellier. Non, avec Abdel Fahmy, mais... Non, il a pas mis 3 buts. Déjà, il a jamais marqué des buts. Bah, je sais, je l'ai bien peut-être mis 2. Il en manque, là. Mais j'en avais un autre. Sabot. Jean-Philippe Sabot, il est dedans, mais exceptionnel, hein, qui t'aime. Encore. Il a arrêté. Tu peux tout faire. Il a gagné, hein. Il a gagné, mais pendant... Et Ribas, mais oui, qui d'autre encore. Mamadou Bagayoko. Non. Pas autant. Non, non, non, non, faut pas déconner, hein. Il y a un autre attaquant de merde, hein, qu'on a eu quand même qui. Peña, mais il a pas beaucoup marqué. Non, Paptio. Beaucoup plus récent. Ah, Paptio. Non, Paptio a mis un. Santos, non ? Alvaro Santos, très bonne réponse. Ah, Marcos de Santos. Marcos de Santos, ouais. Candia Traoré. Oh là là. Franchon James. Rodrigo, il est dedans ou pas ? Rodrigo, non, il est pas dedans, mais un autre attaquant qu'on a eu un an. Illustre Joao Paulo. Le but au Havre. Il y a des joueurs qui méritent à être oubliés. Guillaume Lacour, il en met pas. Idrissadi. Gargoff. Gargaroff est dedans, Chérini. Arlington Chérini, il a marqué 3 buts. Un attaquant, on en a parlé hors antenne. Ce qui est hors antenne, reste hors antenne, sauf là. Qui est coach sportif maintenant, Rudy Carrier. Ah oui, après, qu'est-ce qu'on a dit du mal de lui. Fauvergue. Magagay, qui y avait d'autre? Abidey, Fabrice Heret. Cédric Conté. Un autre Alsacien, joueur connu. Cédric Conté. Régis Dorn. Non, c'était avant. Jérémy Grimm. Oh, mais... Endoy. Mayoron. Granic. Vincent Granic, 3 buts. Hein, 3 buts, ah, ouais, contre, ouais. Ah oui, il fait une saison forte. La Duchère, on fait 3 buts. L'année de CFA 2, hein, où tout commence. Avec Ben Chenon. Ah oui. Il y a Goliard, il y a Pinot, il y a Modeste, Gisèle Brecht aussi. Ouais, Gisèle Brecht, ça. Outrebon, l'année matchs. En 2010-2011. Outrebon, il fait 40 matchs cette année. Et alors, de manière plus récente, on n'a pas cité Saï, quand même, qui a mis 5 buts ouais. Cette saison. Bakwa, Diarra, qui en a mis 3 l'an dernier. Bakwa, il a mis 3 buts cette saison. Sissoko. Ah, mais on regarde tous les matchs. Sissoko, hein. Sissoko. Sissoko, Martinez. Ah, Pablo. Youssouf Fofana. Ah. Voilà. Ah, ah, bien joué, Kittel. Victoire de Kittel. Victoire de Kittel, quand même. Le quiz qui a été très Aoulou, Jean-Louis d'Aoulou. Oh, bah, ah oui, bah, ah oui, Jean-Louis. Mais c'est oui. Persic, non, mais il n'y a pas Persic. Persic, non. Trop cher. Chaque but est une œuvre d'art, il y en a très peu. Bon. C'est un Persic, hein. Ça, c'est. Vous n'en trouverez pas deux comme ça. Voilà, bah, sur ces belles paroles, amis de l'art, de la poésie, de l'opéra. Et de Marc Keller. Et de la comptabilité. Et de la comptabilité. Je pense une émission complète. Enfin, je crois que le spectre, évidemment, on a rayonné. Ouais, tout à fait. Et bravo à ceux qui sont encore là, c'est à ce moment. Qui ont réussi à écouter jusque-là. C'est les mêmes mecs qui sont encore à la mélo, je crois. C'est le cœur de l'audio, là. Le cœur de la meule. En tout cas, bah voilà, merci beaucoup. Allez, Racing. Allez, Racing. Il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.